Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Kulten Geek. Et bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Kulten Geek, une émission exceptionnelle de reprise de la saison 4 de Kulten Geek en direct depuis le Toulouse eSport Concept. Alors avec nous ce soir, il y a bien sûr deux chroniqueurs, puisqu'il y en a déjà deux qui commencent la saison en étant absents. C'est ce soir G-Wolf et Maïlys qui sont avec nous. Bonsoir tous les deux. Les meilleurs. Exactement. Et évidemment les meilleurs. Bah oui, hein, on a pris ceux qui ont accepté déjà de revenir. Exactement. Pour cette saison 4. Malheureusement. L'été est passé, ça va, vous avez passé un bon été les amis? Ouais, ça va. Au soleil, ouais. C'était pas mal. J'ai réussi à bronzer un peu, je suis contente. C'est vrai. On n'a pas l'impression. Quel exploit. Tu l'as perdu rapidement, hein. T'as repris non. Le... Et si, on est également en direct dans cette émission. Depuis nos radios partenaires, qu'on salue bien sûr la Vigie Radio, Radio No Life, Play Geek et sur notre Twitch ainsi que sur le Twitch du Toulouse eSport Concept qui nous hoste actuellement et dont on accueille autour de la table tout de suite Renaud, l'un des deux cofondateurs. Salut Renaud. Salut. Renaud qu'on avait déjà reçu dans une émission de Kulten Geek, mais c'était avant l'ouverture du Toulouse eSport Concept. Et oui, c'était il y a 4 mois déjà. Et les choses ont bien changé puisqu'on est installé chez vous maintenant. Donc tout va bien. Merci. Donc du coup, et ce soir bien sûr, on a aussi une autre invitée et une invitée. Vous la voyez actuellement sur la caméra, sur notre Twitch, c'est Noémie alias Tsubaki32. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien, écoute. Tu es heureuse d'être avec nous? Bah, évidemment. Puisque on, pour ceux qui ne le savent pas, la première interview qui, a eu, qui est passée dans Kulten Geek, c'était la tienne, justement. C'était il y a longtemps déjà, c'était, oui. C'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans tout ça pile. Passe vite, hein. Effectivement, ça passe très très vite. Et tu nous fais le plaisir de revenir avec nous pour une nouvelle émission et forcément une nouvelle interview, mais cette fois en direct. Et on te remercie pour ça, Noémie. Merci d'être avec nous. Mais l'interview arrive très vite. Puisqu'au programme ce soir, il y a bien sûr des interviews. L'interview de Renaud et Sébastien. Ils vont se relayer autour du micro puisqu'on est quand même chez eux. Donc ils vont, faut bosser, hein, les gars. Et puis il y a aussi des jeux, le vrai ou faux, lequel que c'est. Et des cadeaux, je crois aussi, Renaud. Oui, exact. On aura quelques petits lots. Ah, est-ce que tu sais quels cadeaux sont en jeu ce soir? Oh bah globalement des heures de jeu. Des heures de jeu globalement. C'est ouais. Allez, on fait gagner des heures de jeu alors avec le tech. Bienvenue dans cette émission spéciale ouverture de la saison 4 de Kulten Geek et ça démarre tout de suite avec, sans perdre de temps, l'interview du tech justement. Place à l'interview by Kulten Geek. Alors, on est actuellement dans la belle salle du Toulouse eSport Concept. Une très très belle salle avec plein d'écrans. Plein d'écrans. Il y a aussi 3 salles de PC, un espace de console et un espace pour la VR. Alors, comment s'est passée l'ouverture déjà? Puisque quand on vous avait reçu, c'était encore en travaux, ça allait ouvrir, mais c'était pas encore prêt. Ouais. Alors, comment s'est passée l'ouverture? Eh bien, écoute, plutôt bien. On a fait une belle soirée d'inauguration avec un petit concert, avec un groupe et un orchestre, une partie d'un orchestre qui fait de la musique de jeux vidéo. Donc, c'était très sympa. Il y avait pas mal de monde, des élus, voilà, des invités, etc. Donc, ça s'est très bien passé. Et donc, c'était mi-mai déjà, donc ça commence à faire un petit peu. Et puis bah depuis, petit à petit, on améliore un peu la salle. Comme tu dis, on a installé les écrans, on a installé de la sono où on nous entend un petit peu. Effectivement. Et, ouais. Et voilà, petit à petit, ça se met en place. Bon, très bien. Tu as oublié de dire qu'il y avait des canapés maintenant. Oui, et oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas à l'inauguration. Exact. Il y a des canapés, effectivement, et la VR qui est en place. Oui, on a fini par... Alors, c'est pas tout à fait fini, parce qu'il manque des écrans qu'on voudrait pour projeter ce que font les jeux, en fait, les joueurs. Et donc ça, on les a pas encore installés, mais c'est prévu pour les prochaines semaines. Donc ça sera bientôt finalisé. Et l'espace est un peu plus utilisable déjà, donc c'est bientôt fini. Bon, il y a des événements également qui sont organisés au tech. Est-ce que tu peux nous faire une espèce de petite review des événements dont tu te souviens qui sont passés par ici? Il me semble qu'il y a eu un quiz plusieurs fois d'ailleurs. Alors, il y a eu pas mal de choses depuis le début. Donc, on a fait un petit blind test avec la même association qui nous avait apporté le concert d'inauguration, qui s'appelle Ongaku. Qui fait des événements autour de la musique de jeux vidéo en fait. Donc voilà, on a fait un petit blind test avec eux. On a fait un tournoi sur Rocket League pendant l'été en juillet. On a fait un petit événement sur TFT aussi, donc voilà. C'est un petit truc à la cool au mois d'août entre quelques joueurs. Pendant les vacances, voilà, de quoi s'occuper. Exactement, c'est ça. Et vous êtes allé au TubeCon? Et voilà, et le week-end dernier, il y avait la TubeCon, exactement, c'est ça. Et donc on avait une salle où on a fait des tournois pendant tout le week-end avec Tsubaki qui était là aussi. Et c'était un très bon week-end, on a fait pas mal de choses, c'était assez sympa. Notamment un tournoi Fortnite bien rythmé. Ouais, tout à fait. Bah oui, t'étais là du coup, donc tu sais aussi. Mais ouais, Fortnite, il y avait pas mal de monde. C'est là où on a eu le plus de monde, évidemment, comme attendu. Hein. Mais aussi LOL, il y a eu pas mal de monde sur LOL avec Gob, Nono et Shones. Donc c'était assez sympa. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi de la team Rewall? Exactement, la team Rewall qui nous a fait le plaisir de venir aussi sur place pendant tout le week-end. Donc ils étaient là plutôt sur Fortnite puisqu'on avait deux joueurs, donc Geeks et Tico qui sont des joueurs Fortnite, mais qui sont restés tout le week-end, qui ont joué aussi un petit peu à Overwatch, un petit peu à Rocket League, voilà. Et ils ont un petit peu discuté avec les gens, expliqué ce que c'était que l'e-sport à un niveau semi-pro, ce que c'était que la Rewall, etc. Donc c'était très chouette, c'était un très bon week-end. Très bon week-end. Alors avant de passer aux événements qui vont arriver pour le tech, déjà est-ce que l'équipe vous avez de nouvelles questions? Puisque la dernière fois qu'on les a reçus, il n'y avait pas tout ça, toutes ces nouveautés. Alors déjà, est-ce que vous avez de nouvelles questions? Oui. Ben, je t'en prie, Maëlys. Est-ce que tu es à la fin des améliorations ou t'en as encore caché? Non, il y en a encore un petit peu, ouais. Ouais, t'es sûr. On peut avoir un petit aperçu? On garde un peu le suspense. Comme on disait, la VR, on n'a pas tout à fait fini. Mmh. Après, ça va être surtout sur les streams et sur les vidéos et tout ça. Donc sur du contenu, en fait. On est en train de préparer un petit peu des partenariats, des choses comme ça. Voilà, des choses qui se mettent en place petit à petit. De nouveaux jeux, des trucs comme ça aussi? Alors les jeux, on essaye d'enrichir, donc il y a Borderlands 3 là, qui est sorti, qu'on a sur quelques postes, et puis on essaye d'enrichir un peu au fur et à mesure. On a la démo de FIFA aussi, FIFA 20 qui est là, donc voilà, on va enrichir au fur et à mesure. Tous les mois on va essayer d'en rajouter un petit peu, voilà. Ah, ça a été annoncé hier, bien, Borderlands 3 qu'on peut tester là actuellement au tech. Exactement. Est-ce que l'appel a marché? Est-ce que les gens sont venus quelques personnes qui ont testé, ouais. Et alors, est-ce que t'as pu tester, toi? Ouais, vite fait, pas très longtemps. Alors, premier avis comme ça, à chaud. J'aime bien. Après, j'ai dû jouer un quart d'heure, je crois. Donc, c'est vraiment le début, mais j'aime bien. Ouais, j'aimerais bien pousser un peu plus. Ouais. Fan de Borderlands 2 ou pas à la base? Alors, pas du tout. Je connais pas du tout la licence. Quelle je découvre honte. Avec Borderlands 3. Quelle honte. Ouais, je sais. C'est un des meilleurs jeux. Surtout qu'on les a, les Borderlands, sur les PC. Aucune excuse, quoi. Ouais, pas le temps. Bon, en tout cas, voilà, pour quelqu'un qui découvre Borderlands, du coup, le 3, t'as kiffé? Ouais. Pour l'instant, pas mal. Ouais. Bon, et comme ça, on leur fait de la pub, on attend. C'est quel éditeur, quel développeur? On attend le chèque comme c'est ça. Gearbox. Voilà, comme. Gearbox. Comme ça, on leur fait un petit appel. S'ils veulent envoyer un chèque, c'est avec grand plaisir. Tu fais la pub avant d'avoir le chèque? Oui, on sait jamais, hein, ça peut peut-être marcher. C'est un appel, comme ça. D-Wolf, justement, est-ce que t'as une question pour Renaud? Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est les tournois. Donc, est-ce que vous avez prévu des tournois bientôt? Et sur quel jeu? Est-ce qu'il y aura de nouveaux jeux encore? Puisque j'avais déjà entendu parler de quelques tournois sur, par exemple, League of Legends. Mais est-ce que vous avez prévu des tournois sur de prochains jeux? Alors, on a lancé un truc, c'est le Tech Championship. D'accord. Donc, c'est un espèce de championnat sur toute l'année, avec des tournois tous les vendredis. Et on va faire un jeu différent chaque mois. Donc d'accord. Là, le mois de septembre, c'est League of Legends. Donc, le prochain tournoi, c'est vendredi prochain. Et après, au mois d'octobre, on passe sur Overwatch. Et après, en fait, ça va être des votes des joueurs, de savoir ce qu'ils ont envie de jouer, de faire comme jeu. Et on va voir. On est ouvert à plein de jeux. Alors, plutôt du jeu compétitif, hein, tout ce qui est Counter-Strike, Rainbow Six, même sur console, après du Super Smash, du FIFA, enfin voilà, un peu de tout. Ok, d'accord. Des jeux de fight aussi, de versus fighting. C'est pas mal ça. Peut-être Dragon Ball FighterZ, non? Pourquoi pas? Ouais, je crois qu'il est dans la liste, ouais. Très intéressant ce jeu. Voilà. Alors Renaud, quels sont les événements prévus, les gros événements prévus? Vous en avez parlé, puisque tout, je crois que c'est une fois par mois, c'est ça? Une fois par mois ou une fois toutes les deux semaines, vous faites le journal du tech sur Twitch? Alors c'est tous les 15 jours. Tous les 15 jours, voilà. Sauf que là, normalement le prochain, c'était mardi prochain, mais c'est décalé parce qu'on a une grosse soirée avec le Crédit Agricole, où on va faire des tournois multigaming et voilà. Et ça, des c'est petits chèques. Hein? Et des petits chèques, ouais. Effectivement, en récompense. C'est encore ouvert là d'ailleurs, si les gens nous écoutent. Alors, il reste des places sur LOL, donc c'est du 3v3 sur la forêt torturée. Et il reste des places, ouais, sur League of Legends. Tous les autres sont, donc il y avait FIFA et Super Smash, et ils sont complets les deux. D'accord. Après, à tout moment, il y a quelqu'un qui se désiste, donc les gens peuvent venir sur place, déjà ne serait-ce que pour voir. Et puis, si jamais il y a une place qui se libère. Et à la clé, il y a une grosse récompense. Et à la clé, il y a des lots. Il y a pas mal de lots. Donc, sur chaque jeu, il y a plusieurs lots. Il y a des jeux, il y a des points fuites sur FIFA, des Riot Points sur LoL. Et une NES Mini à gagner sur Super Smash. C'est Sébastien qui t'a fait un signe. C'est une console. Du comptoir. C'est une NES Mini. C'est bien, Seb. Oui, parce que Sébastien est actuellement il doit couper le pain d'abord. Trop de choses à faire derrière le bar. Bah, il en faut bien un qui bosse, quoi. C'est normal pendant que l'autre est avec nous. Noémie, tu avais déjà entendu parler du tech à son ouverture ? Alors oui, j'en avais entendu parler, mais malheureusement, à cause du travail, je n'avais pas vu venir à l'ouverture. Et ça a été une grande découverte aujourd'hui donc de ce local, de ce lieu. Et je suis extrêmement surprise de la qualité proposée. C'est très beau. On voit qu'il y a du travail, de la recherche. Quand on voit les unités centrales que vous avez fait avec vraiment le jeu de lumière, les salles, etc. C'est vraiment un lieu magnifique où on peut venir vraiment en famille, entre amis, parce qu'il y a de la place, on se bouscule pas et c'est vraiment agréable. Bah merci beaucoup. Il y a un espace console qui est vraiment séparé du reste, avec 4 canapés, 4 télés. Et c'est vrai qu'on peut rentrer à 4 du coup, sans forcément s'envoyer bouler pour prendre voire même à plus que 4. Ça, je sais pas. Si tu le dis, ça doit être possible. Sur la caméra, d'ailleurs, vous voyez un petit peu ce que Noémie vient de parler, avec le fond rouge qui est derrière toi, la lumière verte qui est un petit peu, et l'autre salle sur le côté avec la lumière bleue. Il y a une autre salle que vous ne voyez pas, où il y a aussi beaucoup de PC et une installation. Et une installation vraiment de dingue. Et justement, Sébastien qui est avec nous ce soir. Bonsoir Sébastien. Et salut. Ça va ? Tout se passe bien niveau comptoir ? Ouais, ça se passe bien. Bon, après, à tout moment, je vais peut-être repartir. C'est pas sûr que je reste. Tu es là de passage en fait. C'est ça. Bon, alors Sébastien, du coup, on va pouvoir un petit peu parler de la TubeCon qui a été chargée un petit peu en organisation pour tous les deux. Ouais, ça a été chargé. Du coup, on a dû fermer 3 jours. Donc, le temps d'installer et puis les 2 jours de l'événement. Et c'est vrai que niveau logistique, on avait pas mal de choses à faire, pas mal de choses à déplacer, mais ça s'est bien passé. Et enfin, on était contents de notre salle. Les tournois se sont bien passés. Et voilà, bel événement. Ouais, l'organisation de la TubeCon nous a quand même installé dans une salle aux petits oignons. Donc, c'est vrai qu'on était. On avait une fibre pour nous, on avait toute l'électricité qu'il fallait et tout ça. Donc, on était bien. Et du coup, on a pu streamer pendant tout le week-end, on a pu faire les tournois tranquilles, sans aucun souci. Et on a eu des beaux invités. Et on a eu des beaux invités, ouais. On peut les nommer. On a eu du Skyheart, du Shuns, du Gob, du Nono, on a eu Kaïsa. Et puis toi, t'es passé aussi sur le stand. Mais j'ai pas joué. Tu n'as pas joué, c'est vrai. Malheureusement. Ouais, après, on a Frigiel aussi, qui était venu pour l'inauguration, qui est passé faire un petit coucou. Oui. Et on a Anil aussi. Ouais, Anil, anciennement Wartech. Je sais pas s'ils sont encore appelés Wartech, je sais pas trop. Je crois que Anil maintenant. Mais Wartech, ça parle à tous ceux qui ont décroché depuis. Moi, je suivais il y a longtemps quand il s'appelait Wartech, du coup. Il y a même l'accent qui est revenu. Sur le longtemps, c'est bon. Allez hop, on a compris. Bon, alors les événements qui sont prévus là pour le futur. Les gros trucs que vous voulez. Alors je sais pas de quoi tu as parlé déjà, j'ai pas entendu. Pas grand chose dans le futur pour l'instant. Du coup. Fait du tournoi de mardi. Tournoi de mardi, ouais, ça t'en a parlé. Après, du coup, on a le Tech Championship, je crois que je t'en ai parlé un petit peu. Vite fait aussi. Qui va, en gros, qui va se tenir sur toute la saison, donc toute l'année, avec des tournois toutes les semaines. Donc l'idée, c'est de faire un jeu par mois. Avec des tournois. Oui, vas-y, continue. Il y a des tournois toutes les semaines. Donc, chaque semaine, en fait, le dernier tournoi de chaque mois sera avec entrée payante et cash price. D'accord. Et du coup, l'idée, c'est de tourner sur les jeux toutes les semaines, tous les mois. Donc là, on va commencer par LOL, après on va faire Overwatch. Et l'idée, après, c'est de faire voter la communauté, donc pour que les gens puissent jouer à ce qu'ils veulent. Du coup, voilà, donc c'est pas le reste des jeux n'est pas encore fixé, mais ça devrait venir. Donc on a déjà septembre League of Legends, octobre ouais, Overwatch. C'est ça, et ensuite ouvert au vote. Donc on a quelques candidats qui sortent un peu du lot déjà, mais... Donc les plus grosses demandes pour l'instant, c'est Overwatch et League of Legends parmi les habitués du tech. Ouais, après, c'est aussi c'est des jeux que nous, on connaît, on sait comment ça marche. Et du coup, on commence pour commencer sur des bases saines, on va dire. on commence là-dessus. Ouais. Des jeux qu'on n'a pas fait encore, parce qu'on on a quand même fait Rocket League cet été. On avait fait Counter-Strike en avril, avant l'ouverture, justement, pour faire un petit événement pré-ouverture, quoi. Donc comme il y a quand même pas mal de jeux à faire en tournoi et en compète, on essaye de les faire tourner. Et c'est des jeux qui reviendront, mais un petit peu plus tard, quoi. Et pour ce qui est justement de ces événements-là, est-ce que vous savez à peu près combien de monde vont venir ? Est-ce que vous avez des retours ? Ah, c'est un peu compliqué à prévoir. Ouais. Non, on sait pas trop, mais surtout vu que là, c'est nos premiers tournois, donc c'est un peu difficile d'estimer. Après, dans tous les cas, pour les tournois, on a 24 PC quand c'est sur PC. Donc il y a de quoi accueillir pas mal de monde. Alors après, précisément combien de personnes, on sait pas trop encore. Pour LoL, on a ouvert 5 slots d'équipe, donc ça fait potentiellement 25 personnes, quoi. Ah oui, donc il y a de la place pour du monde. Ouais, il y a de la place. Ouais. Maëlys, G-Wolf, est-ce que vous avez encore une question ? Oui, j'essaie de la placer au meilleur moment. Vas-y. La prochaine étape, c'est d'avoir une ligue directement. Ça serait pas mal. Ça serait bien. Après, la difficulté. Un point un petit peu critique, c'est le fait d'être très localisé. Parce que c'est vrai que pour avoir suffisamment de joueurs, jouer très localisé et les faire venir à la salle, c'est pas forcément évident. Donc ça nécessite quand même déjà d'avoir une communauté. Donc on va voir comment ça prend, comment ça se met en place et tout ça. Mais à terme, pourquoi pas, ouais, on aimerait bien, nous ce qu'on aimerait bien, c'est rassembler sur tout le sud-ouest, que ce soit Bordeaux, Montpellier, Pau, Tarbes, tout ça, et que tous ces gens-là viennent une fois de temps en temps faire un petit tournoi ici, quoi. Quel serait votre surnom à ce moment-là ? On se retrouve tous... Motec, quoi. Ok. Motec. C'est la place de dire Imhotep, c'est Imhotec. Non, mais c'est vrai que c'est le tech, c'est ce qui est venu naturellement. Même les gens à qui on en a pas parlé, ils nous appellent le tech, donc ça nous plaît bien. Donc, la première fois qu'on vous a reçu, je vous avais dit le tech, non, c'était aussi. Ah merde. Mais c'est vrai que le tech vient. Je me souviens bien de ce moment-là. Oui, moment gênant de rater totalement. C'était bien. Bon, on n'était pas en direct. Heureusement. Il a vendu le secret de l'émission. Après, Maëlys, tu m'offres une transition toute trouvée pour parler non pas du tech mais du tuc, qui n'est pas le biscuit apéritif dont tout le monde connaît. Je ne parlerai jamais de cette blague par contre. tu l'avais déjà fait la dernière fois, non ? Ouais, au TubeCon je l'ai fait 15 fois, je crois. Et pour le coup, là c'est en direct, hein, donc la blague passe directement. C'est ça. Donc pour le tuc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Ouais, alors le tuc, donc, c'est un partenariat qu'on a mis en place donc, avec eux. Donc tuc, c'est Toulouse Université Club. C'est un très gros club de sport sur l'Occitanie. Et en fait, l'objet principal de ce partenariat, c'est de créer une académie e-sport pour la formation des jeunes joueurs, donc de 12 à 17 ans, sur Fortnite en l'occurrence, pour commencer en tout cas. Et donc on va leur proposer 1h30 d'entraînement sur Fortnite et 1h30 de sport par semaine. Donc c'est un peu en mode comme un club de sport, mais sauf qu'il y aura à la fois du sport et de l'e-sport. Et voilà, et l'idée, c'est le but, c'est de les accompagner dans leur formation de joueurs et d'aller faire des compétitions petit à petit, quoi. Est-ce que c'était une demande de votre partenaire de mettre du sport en plus de l'e-sport, ou est-ce que c'était pour équilibrer un petit peu devant l'écran, en dehors, etc. Ça vient, je pense, des deux parties. C'est vrai que nous, l'idée de ça, c'est vraiment d'encadrer et de pas faire de l'e-sport en mode on s'enferme, on fait que ça. C'est voilà, d'avoir un cadre autour, de comprendre que certes, l'e-sport, il y a l'entraînement sur le jeu vidéo, mais il y a aussi tout ce qui est autour, donc tout ce qui est hygiène de vie, tout ce qui est sport, qui est très importante. Alors peut-être que on a l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes, notamment sur Fortnite, s'en rendent pas trop compte. Et mine de rien, faire un sport à côté, et notamment des sports d'équipe où il y a de la cohésion d'équipe, où on communique, c'est super important pour le jeu vidéo et ça améliore les performances qu'on a en jeu. Donc ça nous tenait à cœur, nous aussi. Je pense que le TUC aussi. Mmh. Et ouais, du coup, je pense que c'est partagé, quoi. Le souhait est partagé. Ah. Est-ce que les inscriptions sont encore possibles ? Est-ce que c'est réservé à ceux qui sont autour de Toulouse, ou est-ce qu'on vient d'un petit peu plus loin ? Alors c'est ouvert à tout le monde, hein, le but pour le TUC, le TUC comme nous, on a une volonté d'être ouvert à tous, donc c'est ouvert à tout le monde. Le seul point, c'est qu'il faut pouvoir venir ici le mercredi après-midi et au stade Daniel Fauché le samedi matin. Donc il y a encore des places, les inscriptions sont encore ouvertes et voilà. Et dernière petite question avant G-Wolf, est-ce qu'on a des retours d'ailleurs sur le Twitch ? Peut-être des gens qui veulent en savoir un petit peu plus ? Alors, le souci, c'est qu'apparemment le Twitch est un petit peu buggé. Donc d'accord. Je ne sais pas Ah bah ça on a jamais de chance avec Twitch. C'est une saison 4 qui commence bien, c'est parfait. C'est peut-être moi qui porte la poisse. Ah, pourquoi ton Twitch plante souvent toi aussi? Oui, en fait, quand je veux lancer un live à chaque fois, il y a toujours un problème. D'accord. Bah écoute, merci de nous porter c'est la poisse. Mais d'être venu. Mais on l'a aussi, hein, t'inquiète pas, il y a pas de souci. Je pense qu'on cumule là. C'est nous à chaque fois ça bug et toi aussi. Bon ben bah, effectivement, ça plante d'entrée là. Juste du coup, dernière petite question les gars. Pour tous ceux qui veulent, par exemple, qui ont une idée d'événement, qui n'ont pas de salle ou qui trouvent que le tech, c'est un endroit parfait pour le proposer, quels événements vous accepteriez, dans quelles limites et comment est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, nous, on est très ouverts. On est tout ce qui est événement avec des assos, avec des entreprises, avec des groupes ou voilà, n'importe quoi. On est assez ouverts du moment que ça tourne à peu près autour du jeu vidéo. On a un espace justement qui permet de faire plein de choses. On a déjà fait beaucoup de choses. On a déjà fait pas mal d'événements avec justement des assos de joueurs ou même des entreprises. Donc le mieux c'est de nous contacter, de nous envoyer un mail. Et puis après on en discute et on met ça en place. Alors la dernière fois que vous étiez venu, je vous avais demandé est-ce que vous aviez encore le temps de jouer. Du coup je vous repose la question, maintenant que la salle est ouverte, est-ce que vous trouvez encore le temps de jouer, de faire des parties? Encore moins. C'est compliqué. Non, ça arrive de temps en temps mais c'est rare. Franchement c'est rare. Ça arrive de temps en temps, mais c'est vrai que quand t'as toute la journée jeux vidéo, quand tu rentres chez toi, c'est pas forcément la première chose que t'as envie de faire. Oui. T'as plutôt envie de te poser et de sortir un peu des écrans. Mais non, on n'a pas vraiment le temps. En tout cas pour moi, c'est rare. Ça arrive de temps en temps, mais c'est rare. On essaye quand même de se maintenir au courant, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est plus compliqué du coup de se tenir au courant, informé, je vais y arriver, informé quand on est vraiment plongé dans le jeu vidéo toute la journée. C'est un peu paradoxal, mais ouais. Mais c'est vrai que c'est, on n'y pense pas assez, mais c'est vrai que c'est comme ça. Du coup, j'ai une question. Vas-y Maëlys, dernière question. Curiosité, qu'est-ce que vous faites à la maison maintenant? On dort. On mange et on dort. C'est bien ça. Principalement, avant de retourner bosser. C'est bien, c'est simple, c'est pratique. Il regarde de la fenêtre fixement. En mangeant une chips. Parce que voilà. Du coup, on rappelle quand même les horaires, c'est du mercredi au dimanche. Ouais. Donc de midi jusqu'à 2h du mat le vendredi et le samedi. Ouais, c'est ça. Minuit le mercredi et jeudi et 22h le dimanche. C'est ça. Ouais, et c'est le week-end, samedi-dimanche, on ouvre plus tôt, on ouvre à 10h. Effectivement. Voilà. Et ça fait des bonnes semaines. On rappelle une dernière fois l'adresse pour tous ceux qui sont à Toulouse, qui ne connaissaient pas le tech jusqu'à présent. Ouais. C'est le vous l'avez en tête. 9 rue Valentina Tereshkova. Donc c'est pas trop loin de l'Halle de la Machine, en fait il y a une belle ancienne piste aéropostale et on est tout au bout de la piste aéropostale, pas très loin du métro Rangueil, on a 10 minutes à pied du métro Rangueil. Exactement. Et il y a des bus qui viennent directement du centre-ville aussi. Bon, c'est parfait tout ça. Où est-ce qu'on peut vous retrouver les garçons? Alors sur tous les réseaux sociaux, ça y est, on a un Instagram qu'on a démarré, on a commencé à faire des choses dessus. Qui est bien rempli. C'est ça. Et sinon, sur notre site internet, dans tous les cas, sur notre site internet, il y a toutes les infos et il y a tous les liens vers nos réseaux sociaux. Donc, le Twitch, le Discord. Toulouse-sport-concept.com. Vous tapez tous les sports concepts, vous tombez direct dessus. Ouais, on est plutôt bien référencé. Voilà. Toutes les infos qu'on a, on les passe sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Discord. Et notre Discord, les infos sont sur notre Discord en mode ailleurs, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. Donc pour être informé, passez sur le serveur Discord du Tech. Écoutez, merci beaucoup les garçons. Et merci à toi. Avec plaisir. Et on va passer au premier jeu, du coup, pour le premier cadeau, des heures de jeu offertes aux Toulouse Esports Concept. Alors si vous êtes actuellement dans la salle du Tech, moi je vous invite à venir autour de la table pour choisir l'un des membres et pour pouvoir remporter tout ça. Pas de chance parce que j'ai vu un gros groupe s'en aller là. Ouais, j'ai vu aussi. Allez, un jingle et on va les chercher. Cult & Geek, c'est la meilleure émission. Faux ou pas? Le vrai ou faux dans Cult & Geek. Allez, toujours en présence du Toulouse Esports Concept, sur place, directement avec tout le monde. Je sais pas où ils sont partis. Tiens. Ils sont allés chercher du monde. Ils arrivent. Ils ont, je crois qu'ils ont choisi chacun quelqu'un. Ouais. C'était la pause de fumée. C'est la pause clope, forcément. Alors, on a notre petit groupe d'habitués qui fait à peu près tous les trucs qu'on leur demande, où on a besoin de gens. Ça, c'est bien, ça, c'est pratique. C'est la nouvelle version des facteurs. Allez. Merci Maëlys pour cette blague. Allez, pas compris. Le jeu qu'on va faire s'appelle le vrai ou faux. Mais juste avant, si vous avez envie de gagner des heures de jeu au Toulouse Esport Concept, moi je vous invite à venir choisir l'une des personnes qui est autour de la table, à l'exception de moi-même. Alors pour tous ceux qui veulent remporter des heures, je vous en prie, commencer. Dès que tout le monde est pris, on arrête la sélection et on commence le jeu. Ils sont un petit peu timides. Ouais, ils osent pas trop. Je pense qu'allez choisir, choisir directement. Est-ce que quelqu'un vient avec moi? Non, pour gagner ça, des heures blanc. De jeu. Ça, c'est un gros blanc. Si, regarde. Ah, si, c'est bon. J'ai gagné quelqu'un. Première personne. Allez, il nous en faut encore 4. Encore 4 volontaires. 4 volontaires. Allez, plus que 3. Qui veut Vas-y, viens. Maëlys, comment s'appelle ton coéquipier? Alors, moi, c'est Christophe. Enchanté, Christophe. Bienvenue et bon courage pour le jeu. Merci beaucoup. Derrière toi, Maëlys, je crois qu'il a choisi un participant. Mais qui as-tu choisi? Renaud, Sébastien, Noémie? Oh, j'ai choisi personne pour le moment, moi. J'attends qu'on me choisisse. C'est le moment. Vas-y, Noémie, fais ton choix. J-Wolf, Sébastien. Moi, j'ai Sébastien a choisi. Noémie. Je pense que Sébastien. Moi, je pense que je vais choisir. J'ai un ami qui vient d'arriver, donc je pense que je vais le sélectionner. Il est en train de râler, mais. Ça sent un petit peu le piston, cette histoire, moi, j'ai envie de dire. Non, du tout, voyons. Alors, comment t'appelles-tu? Valentin. Valentin, tu seras avec G-Wolf, du coup. Bonjour. Voilà, tu peux rendre le micro à Maëlys et venir directement derrière G-Wolf. C'est lui qui te fera parler. Renaud, tu as une coéquipière. Et oui. Comment s'appelle-t-elle? Claudine. Claudine. Claudine, enchantée. Et Sébastien qui fait des grands gestes à son coéquipier, qui a décidé de rester sur le canapé, de ne pas venir. Non, mais je crois qu'il y a des timides, hein. Ils ne veulent pas venir. Hein. Ouais, un peu trop timide. Je crois que ton coéquipier c'est est en train qui de finir de manger, en vrai. Alors, comment s'appelle ton coéquipier, Seb? Il s'appelle Wirem. Wirem? Non, pardon. Ton coéquipier? Mathieu, pardon. Ah. D'accord. Oui, non, je crois qu'il change de prénom par jour. Chaque fois. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais m'appeler Mathieu. Demain, Mathieu. Ce sera Jacques. Et Tsubaki, ton coéquipier qui n'est pas là, mais qui Il peut pas venir. Je sais pas pourquoi, je le vois Allons, pas parce coéquipier, que j'ai le mur en plus. Il mange, il a pas fini de manger. Il mange? Alors, il y a une personne qui est actuellement sur le canapé derrière toi, donc si ton coéquipier ne veut pas venir... Ça fait 3 fois que tu veux venir. Oh là, bah allez, prends le fauteuil. Hein. Prends le fauteuil, déplace-le directement derrière. Ne sois pas timide. Ouais, n'aie pas peur. Allez, comme ça, on s'installe. Comment du coup s'appelle ta coéquipière? Eh ben, je vais lui demander quand elle arrive. Comment tu t'appelles? Jeanne. Très bien. Elle a une petite voix. Oui, effectivement, toute petite voix. Ne sois pas timide, t'inquiète pas. Alors... Du coup, maintenant que tout le monde est pris, je vais pouvoir vous expliquer les règles. Le vrai ou faux, c'est très simple, ça porte son nom. J'ai des affirmations, vous devez simplement me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Voilà, tout le monde a compris. En accord avec le coéquipier, je précise. Oui, en accord avec le coéquipier. Vous levez la main, après vous êtes concerté pour me donner une seule réponse par équipe. Si tout le monde est prêt, on commence tout de suite avec vrai ou faux. Avant Counter-Strike, le jeu de tir par excellence était Quake 3. Ça parlera aux vieux. Alors, l'équipe de Maëlys. Je laisse mon coéquipier répondre. On dit vrai, nous. Vrai pour l'équipe de Maëlys. Pour l'équipe de Noémie. On dit vrai aussi. Vrai aussi. Sébastien. On dit faux. Faux pour l'équipe de Sébastien. Renaud. G-Wolf, peut-être. Vrai. Vrai. On dit vrai. Et nous, on dit vrai aussi. Et vrai aussi. Donc, il n'y a qu'un seul faux pour l'équipe de Sébastien. Et c'était vrai, totalement. Quake 3, c'était la référence du jeu de tir avant Counter-Strike. Une fois que Counter-Strike s'est installé, on l'a oublié. Vrai ou faux, Dota, premier du nom, donc sur le mode Warcraft 3, fut le tout premier MOBA, donc style de jeu de League of Legends, Heroes of the Storm, Dota 2. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que ça a été le tout premier MOBA? Alors, Noémie. Moi, je dis vrai. Tu dis vrai? Oui. Très bien. Alors, vrai. Je crois qu'on a choisi par défaut. D'accord. C'est un vrai. C'est un vrai pour l'équipe de Maëlys, c'est un vrai pour l'équipe de Noémie, pour l'équipe de Sébastien, je vous sens décidé. On va dire vrai aussi, ouais. Vrai aussi? Ouais, je pense qu'on va dire vrai. Vrai également. G-Wolf? Vrai aussi. Vrai aussi. Vous n'avez pas de personnalité. Et c'était totalement faux. Ah, ce super. N'est pas le premier, c'est seulement le premier à être en JCJ seulement. Les autres étaient en JCE, mais c'était des MOBA. Voilà. C'était quoi les autres? Un MOBA en JCE? Alors, oui. Quel intérêt? Je ne sais pas, c'est pour ça qu'on les a oubliés. D'accord, ouais, effectivement. Tu vois, il y a une logique quand même dans T'as le truc. T'as des noms, du coup? J'avais les noms. Attends, je vais tousser. Non, c'est bon. J'avais les noms, mais je les ai pas notés parce qu'ils étaient beaucoup trop longs, en fait. Donc, ça prenait trop de place sur ma feuille. Mais vous cherchez de toute façon MOBA. Vous avez la liste, c'est sorti en 97, je crois, le premier MOBA. Vrai ou faux, l'un des héros de League of Legends est directement inspiré d'une bande dessinée française. À Cocorico, là. Vrai ou faux, je rappelle la question. L'un des héros de League of Legends est directement inspiré d'une bande dessinée française. Noémie. Bah écoute, je dirais vrai. Vrai pour toi, Maëlys? On trouve que c'est suffisamment farfelu comme question pour que cela soit vrai quand même. D'accord, vrai. J'ai trouvé le bon coéquipier. On est d'accord, ouais, c'est pour ça qu'on dit vrai nous aussi. Vrai également. Bah au hasard, mais vrai aussi. Vrai aussi. Et l'équipe de G-Wolf? Eh bien nous on dit faux. Vous dites faux? Eh bien c'était vrai. Il s'agit du héros de Nidalee. Je sais pas si je prononce correctement le nom du héros. Inspiré de la BD Wake et son héroïne. Donc voilà. Qui est bien connu. Je connais pas du tout. Le skin de Nidalee. Voilà, vous savez tout. Le joueur du grenier en avait fait. Il y a eu un dessin animé dessus. Le joueur du grenier l'avait présenté à un moment. D'accord. Donc, oui, ça me dit effectivement quelque chose. Non. Tu retiens les scènes qui sont entre les moments importants dans la vidéo JDG? Oui, c'est un peu ça. D'accord, pourquoi pas, c'est un hobby comme un autre. Blanche-Neige, vrai ou faux, Blanche-Neige et les sept nains fut autorisé en Suède qu'à partir de 1992. Il est sorti en 1938, hein, je vous le rappelle. Je veux bien aimer Disney, mais il y a des limites, hein. Blanche-Neige et les sept nains ne fut autorisé en Suède qu'à partir de 1992. Il y a eu un jeu vidéo, Blanche-Neige? Oui, je crois. Il y en a eu. Il me semble qu'il a fait un énorme flop. Ah, vraiment. Oui. Bien. Sébastien, je te sens décidé. Je sais que vous avez la réponse. On va dire vrai. Vrai? Bah, faux. Faux pour l'équipe de Renault. Noémie. T'as dit quelle année? N'a été autorisé qu'à partir de 1992. En Suède. En Suède. Bah, je dirais vrai. Ça a été la même chose pour le Royaume-Uni d'ailleurs, sachez-le. Ah bah tu dis ça après qu'on ait répondu quoi. Oui, mais parce que le Royaume-Uni l'a autorisé plus tôt. Je crois qu'il vient de nous vendre la réponse. Seulement, peut-être, c'est peut-être pas 1992. Ah. J'ai peut-être modifié la date. C'est 91. Peut-être. tu sais, les coups comme ça, je les fais très régulièrement, donc pas de soucis. Maëlys. Le Royaume-Uni 2. Oui, ça va toi? Ouais, je mimie beaucoup. D'accord, très bien. Bah, le Royaume-Uni met un gros doute, donc on va dire faux. Faux. Faux également. Faux également. Mais eh je bien, pense que c'est une grosse connerie de ta part. Genre, c'est pas 92, c'est 93. Eh ben, c'est totalement vrai en fait. Et voilà. Ça n'a été autorisé qu'à partir de 1992 en Suède et c'était 1960 pour le Royaume-Uni pour un film qui est sorti en 38. Voilà. Est-ce qu'on a la raison? Ils trouvaient ça trop violent. Ah. En fait. D'accord. Ouais. Avec leur la pomme qui choque. Ouais, ou... c'était trop violent. C'était. Pioche dans la mine, c'est trop violent. donc du coup ils l'ont interdit et au Royaume-Uni c'était même allé plus loin. Enfin le film était sorti en salle qu'à partir de 1940 et il était autorisé seulement ceux qui avaient 14 ans accompagnés et aux 16 ans non accompagnés. Et maintenant on a 3 ans et plus, c'est oui. Mais voilà. Donc sachez-le, quand c'est sorti, c'était répugnant pour beaucoup de pays. Allez, on continue. Vrai ou faux, Nintendo. Celle-là, elle est folle. Nintendo possède les droits d'auteur de deux parodies X de Mario Bros. Vrai ou faux? Elle est belle, celle-là. Excellente question. C'est là qu'on va voir les spécialistes. Franchement, il y a moyen. Je dirais faux. Faux pour Noémie, très bien. Et nous, on fait l'exact contraire. Vrai pour l'équipe de Maëlys. Un vrai, un faux. Vous avez compté les points, j'espère, parce que moi, j'ai pas compté du tout. Ouais, un jour, faudra que tu m'expliques d'où tu les sors tes questions, quand même. C'est de la recherche. Tu sais, quand on se perd sur Internet, soit on a de l'imagination, soit on trouve de très bonnes questions. D-Wolf. Vrai. Nous vrai. Aussi, c'est vrai. On y croit. On a eu un faux pour l'équipe de Noémie, un vrai pour l'équipe de Maëlys, un autre vrai pour l'équipe de G-Wolf. Reste deux concurrents. Renaud. Ouais, on va dire faux. Faux pour Sébastien. Renaud. Bah, faux aussi. Faux également. Dis-nous qu'on a raison. Eh ben c'est totalement vrai en fait. Ouais. Voilà, hein, les deux films sont sortis en 93 d'ailleurs, si ça vous intéresse. Voilà, c'est Nintendo qui a les droits d'auteur. Et on a les titres tant qu'à faire. Non, j'ai pas les titres, mais j'ai juste la date de sortie des films. Et Nintendo qui possède les droits d'auteur. Ça, on c'est peut les trouver fou. Où ceux-là? Oh bah tu cherches sur internet, hein, je pense que alors, je pense que c'est pas très cher. Il faut juste que tu te perdes sur internet, mais bon courage. Ok, t'inquiète, merci. C'est comme sur YouTube, ça va très vite. Allez, dernière question, vrai ou faux? Il existe une plateforme de streaming parodiant Netflix et s'appelant Napflix, proposant uniquement du contenu pour pouvoir s'endormir plus rapidement. On a le temps de regarder sur nos téléphones? Oh, non. J'allais dire. Vous ne regardez pas sur Internet. Attention, j'attends une réponse. Vrai ou faux, il existe une parodie de Netflix qui s'appelle Napflix, compliqué à dire, et qui propose du contenu uniquement pour s'endormir rapidement. On dirait, nous. Vrai. Vrai pour nous, Sébastien. Nous, vrai pour J-Wolf également. Maïlys. Est-ce qu'on peut avoir un détail, genre, pour dormir, comment ça dormir, c'est des films? C'est du contenu pour t'endormir. C'est un petit peu comme les applications qui proposent des petites histoires pour s'endormir, mais là, c'est des films, des séries, des trucs comme ça. J'ai entendu une anecdote marrante là. Ouais, mais micro devant, ça c'est mérite. Un peu comme si tu faisais... Non, je pense qu'il y a un produit là quand même, hein. On peut inventer quelque chose. Tu prends ton application, tu l'appelles Netflix, et en fait c'est un site de porno. Bah c'est YouPorn quoi. Oui, bon, forcément, j'ai pas dit que le concept n'était pas utilisé, mais il y a d'accord. quelque chose. Ouais, tu en fais une application. Ouais, voilà. Et t'arrives à t'endormir devant ça. Ok, alors, est-ce qu'on peut juste rappeler le vrai ou faux? Est-ce qui a déjà répondu? Vrai, nous. Vrai pour J-Wolf. Il a envie de dire faux, alors on dit faux. On va tenter. Faux pour l'équipe de Maïlys. Nous, on a dit vrai, ouais. Vrai pour Sébastien également. Noémie. Bah je sais pas, oh là là, moi qui me perds un peu sur internet, sur les articles, etc., j'en ai pas lu, donc... Est-ce que je l'ai inventé ou pas? Je dirais faux. Faux? Donc je l'ai inventé, pour toi. Oui. On va voir. Et on pour faux aussi. Faux également. Alors sachez-le, avant de répondre, cette idée nous vient d'Espagne, et c'est totalement vrai. Merde. Sachez-le, c'est un concurrent de Netflix qui propose ça et qui est apparemment adoré, notamment dans le sud de l'Espagne. Voilà. Et du coup, okay. C'est payant aussi comme Netflix ? C'est également payant. Ah, mais c'est pour ça ! Espagne, ils font la sieste tout le temps, c'est pour ça ? Oui, mais ouais, c'est ça. Mais exactement. C'est pour ça que ça s'appelle Netflix. Okay. Nap signifie en sieste en anglais. Quelle voilà. image tu as d'eux ? Bon, c'est des filles, c'est des flemmards, bordel. Alors, on va faire le total des points. Et si je ne me trompe pas, je crois on que c'est a 28. De Renault. Qui a le moins fait d'erreurs. Ah bon? Si j'ai bien suivi. Idée. Si j'ai bien suivi, je crois que c'est l'équipe de Renault. Nous, c'est donc ta coéquipière deux. Qui non, remporte. On a gagné, nous. Non, non, J-Wolf. Nous aussi, non, on a gagné. C'est nous qui avons gagné, je crois. Oui, tout le monde a gagné. Non, c'est l'équipe de Renault. Je suis sûr qu'on a égalité. Je suis la seule honnête. D'habitude, je triche. Et c'est donc, Renault, est-ce que tu peux rappeler le nom de ta coéquipière? Claudine. Claudine, c'est toi qui remporte la première heure de jeu offerte par le Toulouse eSport Game Show. Bien félicitations à Toulouse pour François. Tu remportes le Toulouse eSport Concept, d'accord. Il y a pas de souci. Une heure de jeu donc qui est pour toi. Je te laisse te débrouiller avec tes deux messieurs. Ouais, on va s'arranger. Ouais. Négocie maintenant. Voilà. Tu peux t'arranger avec eux. Ils sont très sympas. Plus en attendant, c'est ça exactement. On va faire une première pause en musique dans cette émission avant de passer un petit moment en direct avec les gens qui sont dans le public pour apprendre à les connaître, pour connaître un petit peu votre clientèle, vos habitués, vos amis du tech. Maintenant, ce sera juste après Jay the Bard avec Journey Home Classic. WoW, puisque WoW Classic est sorti, donc pour tous les nostalgiques, voici une petite musique. Almost heaven, wild vanilla, Black Rock Mountain, Thunder Oral River. The game was great then, a gaming fantasy. Terran Mill, South Shore, best world PvP. Come on, let's go and journey home to the game we all have longed. World of Warcraft, WoW Vanilla. Come on, let's go and journey home. Slaying Hogger, Mancrick's lady, could never find her. Dark and dusty, deep into dead mines, Black Rock Defs and MC, a classic paradise. Come on, let's go and journey home to the game we all have loved. Let's go and journey home. I take a boat down a Stranglethorn, it calls me. It feels like I was ganked again here just yesterday. And playing on my rogue, I get a feeling someone's asking, did someone say, did someone say, come on, let's go and journey home to the game. We all have long World of Warcraft, while vanilla, come on, let's go. Journey home. Come on, let's go. And journey home to the game. We all have love. World of Warcraft. Wow, vanilla. Come on, let's go. And journey home. Log on and go to our journey. Jay the Bard, Journey Home, un classique WoW. Voilà, c'était dans Cult and Geek pour cette reprise de la saison 4. Et sans transition, plaçons tout de suite à la découverte du public sur le Toulouse, dans le Toulouse eSport Concept. Toujours avec Maïlys actuellement autour de la table. Toute seule. T'es la dernière survivante en fait. Ouais. Il n'y a plus personne. Tout le monde. Vois, Walking Dead. Ouais, non, c'est ça, exactement. Voilà, je suis Rick. Rick, j'ai un gros doute. Rick. Ben, je suis Rick. C'est comme Rick et Morty, mais il n'y a pas Morty. Ouais, non, mais j'aime pas ça. Je préfère désenchanter. Ah, oui, aussi. C'est comme Game of Thrones, sinon. Oui. À la voilà, fin, il je suis Daenerys pour l'instant. Mais après, je vais changer parce que sinon, je vais mourir. Ouais, voilà, j'espère que vous n'avez pas regardé le dernier épisode de Game of Thrones, sinon vous venez d'être spoilé en direct. Je vais aller voir ce que fait Gigi. Oui, justement, et comme tu as un micro sans fil, je peux aller discuter avec lui. Tu peux nous parler exactement avec lui. Gigi, es-tu là ? Oui ! Ah, G-Wolf. Comment vas-tu, G-Wolf ? Bonjour. Ça va ? Ça va super. Ça va ? Bah, G-Wolf, tiens. Je suis sur les toilettes, mais ça va. Prends le micro, va te balader, va parler un petit peu avec les gens. On ne te verra pas à la caméra là, sur le Twitch, mais on va prendre les commentaires. N'hésite pas, va voir les gens, pose des questions. On est curieux de les connaître un petit peu, tous ces gens. Je crois qu'il y a des personnes qui jouent à la console. Est-ce que tu peux aller les voir et les embêter, s'il te plaît ? Évidemment. On ne sait jamais, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Demande-leur à quoi ils jouent. Oui, on veut savoir à quoi ils jouent. Ouais. On te voit passer. Mais là, on t'entend colle-le plus. À ta bouche. On t'entend plus. Voilà. Vous êtes sûr ? C'est bon ? Oui. Ok, super. Voilà. Oui, Noémie, tu peux venir. Oui, t'inquiète pas. On t'a pas fait venir. Là, on est à la découverte. On a 10 minutes un petit peu. C'est comme ça que c'est prévu, hein, 10 minutes tranquillou pour parler entre nous, pour découvrir les gens un petit peu qui sont autour. Alors, par contre, G-Wolf, je sais pas si tu nous entends là où tu es, mais les consoles, c'est pas dans cette pièce-là. Ouais. Oui, je suis un peu dégoûté quand je l'ai vu rentrer dans le. C'est 5 ou 6 fois le tour du tech et il arrive quand même à se tromper quand on lui dit les consoles. Je veux bien que ce soit grand, mais là, c'est un peu abusé quand même. Jean-Loup, reviens, il s'est perdu. Alors j'ai avec moi quelqu'un qui est sur Rainbow. Ah, il est parti chercher un joueur sur PC. D'accord. Non. Sur console. Amy, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Oui, G-Wolf. On t'entend. Super. Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Ah, je m'appelle Léo. Et que fais-tu actuellement ? Alors je suis en pleine partie classée de Rainbow Six. Et gagne et ou tu pas ? Tu t'en sors ? Alors là, 0-0, ça vient de commencer. Et tu oses lui parler quand il est en train d'être noté ? Bah c'est ça, ce qui est bien. Tu n'as jamais fait une interview ? En jouant au jeu, non ? Oui. Okay, d'accord, et tu es niveau combien, là ? Alors là, je dois être niveau 50, à peu près. D'accord, et tu penses que ça va... Tu penses gagner ? Tu penses avoir l'avantage ? T'es vraiment pas gentil, Gigi. Hein. Bonne question, je vais voir ça dans une minute. Là, ça vient de commencer dans 7 secondes. Tu joues tout seul ou tu as des coéquipiers avec toi ? Je suis un solo queueur chevronné. Ah d'accord, le fameux solo queueur. Oui, écoute, on aime créer ces moments de malaise. Je vais te laisser te concentrer sur ta game. Je reviendrai peut-être plus tard. Ah, un petit kill. Gigi, tu n'es pas commentateur. On l'a vécu avec lui en direct. Jean-Loup, tu peux revenir si tu veux. Il y a d'autres gens à aller embêter. Bonne chance. Je pense qu'il nous entend pas dans la salle. Regarde, c'est là la salle des consoles. Tu sais, les consoles, elles sont juste là à côté. Oui, mais il y a les PC aussi. Mais tu peux aller embêter les gens qui jouent pas, par contre, je pense. Bonsoir. Ah, là, il par a failli contre, tomber. On va essayer sur la caméra. On a failli avoir un sketch. Alors, qui veut participer ? Qui ? Ah, ah. La personne à ta droite. On a. Tu Bonjour. Bonjour. Tu l'as coupé le micro. Comment vas-tu ? Ça va bien. tu as fini ta bière, il t'en faudrait peut-être une deuxième. À consommer avec modération, on rappelle. Hein. Petit à petit, on va y aller une après l'autre. Ouais. On va continuer. Et tu ne comptes pas aller sur un PC, faire un petit jeu? C'était pas prévu à la base, mais pourquoi pas, on verra. Je crois qu'il a envie, mais pas ses collègues. Tu joues à quoi d'habitude? Alors, en ce moment, je joue à Blasphemous, petit jeu 2D sur PC. Dark Souls-like en 2D. Voilà, punitif, gore, joli quoi. Donc tu es plutôt un joueur solo? Ouais, principalement un joueur solo. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs solo, je trouve, quand même. Hein. Ouais. Un peu trop, même. Ouais, j'ai l'impression que vous avez oublié qu'il y a une dimension un peu... on peut jouer avec ses amis de temps en temps. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Notamment sur les jeux de combat. C'est vrai, c'est vrai. Tu joues à des jeux de combat? Street Fighter 2, beaucoup. J'y ai énormément joué, l'original, sur Super NES. Ah, et c'est donc une vieille sinon, personne. Plus récemment, du Street 4, un peu. Mais pas énorme, quoi. Mortal Kombat, bah, la base. Voilà. Je suis resté joueur sur des vieux jeux. Voilà, donc principalement old school. Voilà, vieille console avec de l'émulation maintenant. Mais... Tu avais un bon niveau ou tu as déjà fait des tournois, quelque chose comme ça? Le seul tournoi auquel j'ai participé, c'était du Street 2. C'était au TGS, il y a Toulouse Game Show, il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Et il y avait il y avait énormément de gens. Et ça gueulait partout, donc on s'est approché. Et il y avait un petit qui devait avoir 7-8 ans. Il a atomisé tout le monde. Et je me suis fait atomiser. Voilà. Et cette anecdote. C'est le seul tournoi que j'ai. Cette anecdote, eh ben écoute, Renaud, j'ai l'impression que ça t'a un peu traumatisé. On aime cette anecdote. On a une anecdote d'ailleurs avec Renaud, je pense. Pendant la TubeCon, il y a des petits qui ont atomisé des joueurs e-sport professionnels de la Rewall. Et oui, sur Fortnite. Ouais. Et oui, mais il y a des talents à tous les âges. Hein. Qui ouais. Se sont ensuite inscrits. Sur scène aussi, il y en a qui ont atomisé Nono sur scène. Hein. C'est vrai? Oui. Oh le pauvre. Directement sur scène, là c'est quand même. C'est l'humiliation. Ouais, peu cher. C'est pour ça qu'il est arrivé au tech en pleurant après. D'accord, je comprends. Au grec. Non, ça c'était la soirée de la veille, je pense. Ah d'accord, effectivement. Il allait commander son tacos tranquille. Donc tu vois, en fait. Quand j'ai pensé cette séquence là où on va découvrir un petit peu les gens, je m'attendais pas à créer autant de malaise. Et bien en fait, je suis content. Voilà, je m'attendais mission pas à réussie. Ça. Exactement. G-Wolf, est-ce qu'on peut aller recueillir l'avis d'une dernière personne qui est à la console cette fois? Je crois qu'il y a une personne qui a pas du tout envie. Est-ce que tu peux l'interroger? Ouais. En face de toi ou à la console. En face là, avec des lunettes en bleues. En face de toi. Ah, il se avec cache. Des lunettes bleues, lui. Ah, c'est oui, parfait. Oui. Ah, il a un super t-shirt en plus, écho et merveille. Bonsoir. Ah. On ne se connaît pas du tout. Il a dû y participer. Bonsoir. Bonsoir. Oula. On ne se connaît pas du tout. Comment vas-tu? Ça va et toi? Eh bien écoute, super, j'apprécie la soirée, c'est pas mal. Moi aussi, il y a pas mal d'animation, de lumière, de son. C'est vrai, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de son, beaucoup de lumière. Et dis-moi, que fais-tu ce soir? Alors ce soir, je suis venu écouter Cultenic. Eh bien c'est une très bonne idée. Et peut-être potentiellement jouer un peu, venir faire découvrir le lieu à d'autres personnes, voilà. Et à quoi as-tu l'habitude de jouer en général? En ce moment, ce serait plutôt Mutant Year Zero, jeu solo. Tu peux le répéter le nom plutôt. Mutant Year Zero. Ok. Ouais, l'anglais est très rouillé. Bon, c'est pareil. C'est y a pas moi qui vais jouer solo, j'ai l'impression. Mais je pense qu'on peut faire une team joueur solo. Oui. Ce serait pas c'est mal, les meilleurs. Ça. C'est pas logique, mais c'est bien. Rencontre chez les geeks. Ouais, c'est ça, je pense quoi. On va créer ça. Les geeks en rose qui est actuellement sur le chat du Twitch et Alexandre OBF qui vient de nous follow. Merci beaucoup. Elle était censée venir, non? Oui, on l'attendait. Bah écoute, finalement, elle est restée chez elle. Elle écrit apparemment sur son blog. Voilà. En tout cas, on lui fait de gros bisous, les geeks en rose. Noémie, tu connais la geek en rose? Bah évidemment, oui. Tu l'as vu passer au TubeCon également? Bah écoute, je lui passe le bonjour déjà et puis merci aussi de l'avoir retrouvé la semaine dernière au TubeCon. Pour elle, c'était une nouveauté et elle était vraiment contente de ça. Et j'espère la revoir bientôt. Et ben voilà, en tout cas, le message est passé. On vous embrasse tous ceux qui nous suivent actuellement. Il me semblait qu'elle avait fait plusieurs salons déjà. Oui, mais elle n'arrête pas. C'est comme Noémie. On va en savoir plus dans quelques instants. Mais c'est comme Noémie. Elle n'arrête pas les salons. Elle bouge tout le temps. Elle n'est jamais. Le dis pas en avance. Pardon, je veux pas savoir tout de suite. Après la Geek en Rose, c'était exceptionnel parce que là, elle a été invitée. En fait, alors qu'avant, c'est via des accréditations presse en fait qui a venu aux événements. Et là, elle a été invitée en tant qu'influenceuse. Donc pour elle, c'était une grande première et elle était très contente de ça. Exactement. On passe le cap, ça y est. Et oui, et oui, et oui, ça évolue, ça évolue. Et j'ai juste une question à poser à la personne derrière qui vient d'être interviewée. Oui. Tu es allé à Écho et Merveille cette année? Oui. C'était bien. Gigi, tu peux donner un micro s'il te plaît à notre invité? Pardon. Oui, donc Écho et Merveille cette année, c'était super. Le festival à l'extérieur, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de choses à voir, du travail sur le cuir, du travail sur le bois, vraiment de tout. Et le soir, il y a un grand concert avec plusieurs artistes. On avait Magoyonde, Naeband, je ne me souviens plus des autres, mais il y en avait beaucoup, beaucoup. Ça vaut vraiment le coup. On avait un beau temps en plus. Ouais. Donc c'est vraiment à faire. Et l'extérieur est gratuit. Tout l'extérieur est gratuit toute la journée. Il n'y a que le concert de payant. Voilà. Et tu es tellement fan que tu as eu un t-shirt. Oui. Tu as participé du coup à leur cagnotte caritative là ou pas du tout? Ah non, je ne savais pas qu'il y avait une cagnotte caritative. Et en fait, si je peux me permettre... Bien sûr, vas-y, on embrasse Nicolas Chacour d'ailleurs au passage. Et oui, tout à fait. En fait, ils ont eu un petit problème au dernier festival d'un vol d'argent. Donc dans les caisses, et du coup ils ont lancé une cagnotte pour avoir de l'argent, parce que malheureusement il faut payer les fournisseurs, ils ont énormément de choses à payer, ce qui est normal puisque un festival c'est pas gratuit. Et du coup ils ont lancé en fait une cagnotte où on peut donner de l'argent et en échange on a des goodies, des t-shirts pour très peu. Donc si tu veux que ce festival survive, n'hésite pas à regarder ça, parce que c'est vrai que c'est un très bon festival. Et c'est malheureux d'entendre encore aujourd'hui qu'il y a des vols d'argent alors que c'est des associations souvent qui font ces événements, et c'est dommage. Et est-ce que tu sais où on peut retrouver ces informations-là? Sur Facebook, sur Écho et Merveille, ils ont les liens vers leur cagnotte, sachant qu'en plus, les places sont, je ne sais pas si elles sont encore ouvertes, mais en fait, ils ont ouvert la billetterie en avance. Et du coup, on peut déjà prendre les places pour, pour le prochain festival. En fait, moi, je vais y aller. Je vais laisser Noémie présenter l'émission. Désolé, mais c'est vrai que j'y suis allée en fait depuis qu'ils ont fait Rock My Geek. Et c'est un festival que j'adore, mais malheureusement, ça tourne toujours en même temps qu'un autre événement e-sport. Donc, j'ai pas la chance d'y aller. Et quand je vois les gens avec des t-shirts, je suis jalouse en fait. Parce que moi aussi, j'ai envie d'y aller. Donne-lui ton t-shirt. Mais, rassure-toi, je suis un petit peu jaloux aussi. Moi, j'en avais vu un Nullband qui était là-bas justement, et il prenait pas la carte bleue, il prenait que les chèques, j'avais pas mon chéquier, donc j'avais pas mon t-shirt non plus. Un petit peu dégueu. Donc je te comprends là-dessus, rassure-toi. Donc oui, c'est effectivement l'information dont tu as parlé, c'est à découvrir directement sur le Facebook Écho et Merveille. Et en plus de ça, ils font des news régulièrement par vidéo, donc ça c'est bien, on est tenu informé. Bon, écoutez, je pense qu'on a passé assez de temps avec le malaisant J-Wolf. Écoute, tu te sens de revenir? Ou alors tu veux te sens de revenir? Ou alors tu veux une nouvelle personne. J'arrive. Ou alors il va faire l'émission depuis le canapé. Lui. Ah ben, en vrai, ça ne gêne pas. Hein. Je crois que c'est plus intéressant de rester avec les personnes derrière qu'être avec nous, en fait. Hein. Bon, beaucoup mieux. Bon, mais tu sais quoi, G-Wolf, tu vas rester là. D'accord. Comme ça, tu seras avec la personne à côté de toi pour le jeu qui arrive, là. Comme ça. Super. Bon, alors je change de place. Toi, fais gaffe, tu as un fil quand même pour le micro. Va pas t'installer sur le canapé qui est à l'opposé. Quoi? Non, je sais, c'est pour ça. J'étais obligée de faire des contorsions. Tu te sentais toute seule là-bas? Non, gymnaste. Ah. Allez, un petit jingle et on passe à un nouveau jeu. Il était une fois un homme qui en fait était méchant, mais il était malade. Et à la fin, il meurt. Mais qu'est-ce que c'est? C'est maintenant, dans Culten Geek. LOL. Et de retour au tech pour un nouveau jeu cette fois, et forcément de nouvelles heures de jeu à remporter pour le Toulouse eSport Game Show. Avant de vous expliquer les règles de ce jeu, il est 21h, ce qui fait qu'on est bien sûr en retard sur, on est en gros en retard sur le planning, mais ça ne fait rien, c'est habituel quand on est en live avec Culten Geek. Alors pour ce jeu, je vais vous demander, je vois que les concurrents qui n'ont pas gagné les heures de jeu la dernière fois, de tout à l'heure, sont de retour. Je vous en prie les gars, venez, n'ayez pas peur, venez prendre On a besoin d'invités, s'il vous plaît. Est-ce qu'on venez prendre place. Participants. Oui, on va changer les équipes quand même. Est-ce que là-bas ils sont motivés? J-Wolf a déjà son coéquipier. Qui veut venir, notre personne? Alors, qui vient? Le Nicolas de tout à l'heure. Nicolas. Il veut venir? Je sais qu'il a proposé une soirée speedrunner au tech. Je sais de source sûre qu'il a proposé ça. Tu te mets avec qui, Nicolas? Je sais pas. Tu ne sais pas ? Qui eh sois-tu ? Viens avec moi ? Choisis. Allez, tu as bleu. Ah, bon bah, équipe-toi. Avec Maëlys ? Très bien. Super. Et Christophe ? Qui veux-tu ? Je crois que tu vas pouvoir revenir avec, avec Renaud. On va être obligé de se mettre ensemble, quoi. Eddie Wolf qui est de retour avec son coéquipier. Tu l'as fait se déplacer. Exactement. Il est revenu avec nous. Allez, tout le monde a donc son coéquipier ou sa coéquipière. Alors, on va juste rappeler les noms des coéquipiers et des équipes. Avec Maëlys, il y a Nicolas. Avec... Bonjour. Renaud, il y a Christophe. Oui. Rebonjour. Rebonjour, Christophe. Noémie, tu es avec... Je suis avec Roxane. Roxane. Roxane. Et G-Wolf, tu es avec... Stéphane. Avec Stéphane, parfait. Le qu'est que c'est, je vous explique. Le jeu est très simple aussi, là. Dans Cult & Geek, on se roule pas trop. Je raconte l'histoire d'un film, d'un jeu vidéo, d'une série ou d'une BD, mais de la pire manière qu'il soit. C'est-à-dire que je défonce le résumé. Et vous avez au maximum 3 réponses possibles par équipe. Ah, par équipe, c'est bien par ça, équipe. Ça change. Une fois que tout le monde aura fait au moins une proposition, je vous donnerai un indice. Voilà. Vous avez donc toutes les clés en main pour réussir, et voici le résumé. C'est faux. Non, c'est plus le même jeu là, Renaud. À cause des parents les ayant abandonnés, les enfants se retrouvent en famille d'accueil, chacun de leur côté. N'ayant aucun repère et ne sachant pas quoi faire de leur vie, ils rejoignent un groupe de terroristes pour imposer à tout le monde leurs idées. Ils finissent même par être des stars. Ça me dit tellement quelque chose. C'est pas Final 7 quand même. Les enfants sont jumeaux. C'est le premier indice que je vous donne. Appelez-y pour la première proposition par groupe. Je crois que mon coéquipier a quelque chose à dire. Oui, Noémie. Attends. Moi, je dirais Star Wars. Tu dis Star Wars ? Oui. Avant, excuse-moi, tu n'as pas précisé si c'était un jeu, une série ou autre chose comme ça. Ah, il faut préciser. Lui, il le fait d'habitude. Non, je sais, mais c'est volontaire. Tu ne nous dis pas cette fois. Bon, bah alors, ta réponse. Excuse-moi, Rémi. D'accord. Oui. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît ? Non. Ah, d'accord. Allez, je répète le résumé. À cause des parents les ayant abandonnés, les enfants se retrouvent chacun de leur côté en famille d'accueil. N'ayant aucun repère et ne sachant pas quoi faire dans la vie, ils rejoignent un groupe de terroristes pour imposer à tout le monde leurs idées. Ils finissent même par être des stars. On a eu une proposition du côté de Noémie. Est-ce qu'on a une proposition du côté de Maëlys, Renaud ou G-Wolf ? Je crois que oui, nous. Ouais, oui. Peut-être pour pas dire Star Wars, parce que ça se tient. Double Dragon. Double Dragon, d'accord. Du côté de Renaud ? Je vais laisser Christophe, parce que j'ai aucune idée. Moi. Il a l'air perdu. Non, moi je sais pas, là. On réfléchit encore. Ah, d'accord. G-Wolf ? Ben nous, on en a rien à faire, on dit Star Wars aussi. Tu dis Star Wars aussi ? Exactement. Très bien. Moi aussi, alors. Tu dis Star Wars parce qu'elle a dit Star Wars ou tu dis Star Wars après parce une que... longue réflexion, on s'est dit que c'était pas mal Star Wars. Moi, je pense que c'est parce que je l'ai dit avant et du coup, quand il t'a raconté l'histoire juste non, après... Non, pas après, du tout. Ouais. Et du côté de Renaud ? Je pars sur Star Wars aussi ? Par défaut. Par défaut, ouais. Donc par défaut, vous savez que vous donnez le point à Noémie si jamais c'est Star Wars. On n'a pas d'autre idée, alors... Les deux autres indices étaient guerre au pluriel et le titre est en anglais. Merde. Et la bonne réponse est effectivement Star Wars. Bravo Noémie qui fait remporter du coup à Roxane. La deuxième heure de jeu à remporter ce soir dans l'émission Cult & Geek au Toulouse eSport Concept. Félicitations donc Roxane qui est avec toi pour ce jeu. Et on va faire une deuxième et dernière pause en musique à 21h05, très exactement, ce qui fait qu'on a 5 minutes de retard. On devrait finir vers 23h, normalement, si tout se passe bien. Tranquille. Voilà. Si c'est comme d'habitude, ouais. Ouais, voir minuit. Ouais, ou alors on y est encore demain. Allez, en attendant, on va passer une musique. G-Wall, je sais que tu aimes beaucoup League of Legends. Oui, c'est cette vrai. Musique va peut-être te parler. C'était utilisé lors des Worlds de 2014. Et une excellente musique d'Imagine Dragons. Oui, tout à fait. Qu'on passe ce soir. Laisse-moi deviner, c'est Warrior. Et c'est exactement ça, bravo, bonne mémoire. Warrior Imagine Dragons, utilisé par les Worlds de League of Legends, c'était en 2014. Et on revient juste après. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. rise above the rest and prove yourself, your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above, but don't weep for me, cause this will be the labor of my love. De retour dans Cult & Geek pour l'ouverture de cette saison 4 avec le titre qui vient de passer, Imagine Dragons Warriors, avec pour utiliser pour les Worlds de 2014 de League of Legends. Avant de passer au dernier jeu avec la dernière heure de jeu à remporter au Toulouse eSport Concept pour ceux qui sont présents, moi je vous annonce qu'il y aura un concours sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter en partenariat avec OOB Team, l'équipe d'eSport d'Airbus, ça y est, c'est confirmé. Donc d'ici demain, vous allez avoir popé sur nos réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Un petit concours avec le blazer de la team OOB. Voilà. Le blazer sur quoi ? C'est la veste qu'il portait pendant l'émission. Vous pouvez... Je l'ai, cette veste. On me l'a offert en fait au TGS, hein, sur le stand. D'accord, du coup. Et elle est ultra confortable. Et ben voilà, tu fais bien de le dire parce que les gens vont pouvoir la remporter directement sur Est-ce nos que je peux participer ? Réseaux sociaux. En fait, la veste, c'est un peu le style américain. Oui. Notamment, je sais que c'était la même veste qu'il y avait pour l'Open Tour de League of Legends. C'est à peu près le même design. Oui. Et c'est assez sympa, ouais, parce que ça peut se porter un peu partout. On le voit en général dans les séries américaines, c'est les équipes de basket qui ont la veste au moment où ils se trimballent dans le lycée. C'est vraiment le design américain. Oui. Voilà. Mais tu fais bien de le dire qu'elle est très confortable. C'est à remporter sur les réseaux sociaux. Je tiens à notifier que nos amis qui ont participé au jeu ont l'air très enjoués à l'idée de participer au prochain. Oui. Est-ce qu'il y en a un autre ? Oui, il y en a un dernier. Il y en aura un dernier qui est un peu plus corsé que les deux premiers. Ah, voilà. J'attends de voir ça. Il y aura un peu plus de son aussi. Allez, en attendant, Noémie, on va se concentrer sur toi, ta vie, ta carrière. Et elle est en train de parler avec J-Wall, c'est parti. Place à l'interview, by Cult & Geek. L'interview tout de suite avec Noémie alias Tsubaki32 sur les réseaux. Tsubaki, ça suffit largement. Tsubaki tout court. Tsubaki tout court. Tu étais la semaine dernière au TubeCon. Tout à fait. Comme le Tech, comme la Geek en Rose, on en a parlé. Comme Kael Bell également, youtubeuse toulousaine. Et tu fais depuis un petit moment déjà ton trou, j'ai envie de dire, dans l'e-sport. C'est ça. Alors j'ai commencé en fait il y a 4 ans en tant que journaliste dans les jeux vidéo. J'écrivais des articles, des tests sur les derniers jeux qui sortaient. J'ai commencé à écrire sur The Witcher 3 sur un petit site qui se nommait Les Gameuses. Et un an après en fait je suis allée à un événement e-sport sur Toulouse. Et c'est là où j'ai vraiment découvert en fait l'univers e-sport. Ça m'a intriguée et en même temps j'ai beaucoup aimé. Du coup je suis partie dans ce milieu en tant que rédactrice, journaliste e-sport. Et au fur et à mesure que les années passaient et en ayant rencontré des personnes dans ce domaine, en discutant avec beaucoup de personnes, il y a eu un moment en fait où j'ai eu une discussion avec plusieurs personnes en disant là il y en a marre. J'ai eu un peu le ras-le-bol quoi, le ras-le-bol un peu en moi de ma part de féministe qu'on a tous je pense. Et mais j'ai dit mais il y en a marre quoi, en France y a-t-il des animatrices e-sport, mis à part Bully et au niveau européen, Shox, etc. Il y en a marre, pourquoi il n'y a que des hommes dans, sur cette scène? Et au fil d'en discuter, je râlais, et une des personnes m'a dit « Mais pourquoi pas toi ?» Et c'est du côté de chez Women in Games. C'est ça, crois, tout à fait, oui. C'est même la présidente qui m'a dit ça, et à ce moment-là, j'ai fait « Bah oui, pourquoi pas moi ?» Et en fait, il y a un an et demi de ça, je commençais vraiment à réfléchir parce que j'avais une problématique en tant que journaliste, c'est que sur la scène e-sport, j'étais vraiment spécialisée League of Legends et je reste en France pour l'instant. Et en fait, quand j'allais dans les LAN, je retrouvais toujours les mêmes personnes. Mmh. Et à un moment donné, j'en avais un peu marre, je stagnais et j'avais envie d'évoluer. Et du coup, en discutant, en disant « Bah oui, mince, je pourrais en fait devenir animatrice sur le long terme, etc. » Et je me suis lancée dans cette aventure il y a un an avec le soutien des amis, avec le soutien de personnes du domaine. Et du coup, depuis un an, je fais pas mal d'événements, des petits événements comme des grands. Et je remercie énormément aussi tous ces organisateurs à me faire confiance parce que c'est vrai que des fois, bon, il y a les tirs à le vol, les petits coups de mou. Disons que quand on refuse parce que j'ai pas assez d'expérience, alors qu'en fait, pour avoir cette expérience, bah, il faut que des gens acceptent. Et je remercie énormément ces personnes de me faire confiance. Donc voilà, ça fait un an que je fais ça, de l'animation sur scène, animation sur plateau, voilà. Et tu as réussi en tout cas à être payé pour le faire maintenant? Alors oui, dès que j'ai débuté en fait, pour moi aujourd'hui, un travail c'est pas que du bénévolat, surtout dans un milieu où il commence à y avoir énormément d'argent qui tourne. Il faut savoir que un travail, tu fais quelque chose, c'est être payé pour ce que tu fais. Si un graphiste fait des images, c'est bien qu'il soit payé. Si un vidéaste fait des vidéos, c'est bien qu'il soit payé. Et en discutant avec des casteurs, ils disaient que si on accepte encore des travails en fait, où on est bénévole, ça casse le domaine, le milieu, où il y a des personnes qui veulent en vivre. Donc du coup, je suis passée auto-entrepreneur dès que j'ai commencé. Et il m'arrive d'accepter pour des petits événements de le faire gratuitement, ce qui est normal parce que souvent c'est leurs premiers événements. Donc financièrement, c'est pas ça. Souvent quand c'est des associations, c'est assez compliqué de faire un bilan à la fin de l'événement au-dessus de zéro. Donc voilà, mais les trois quarts du temps, oui, je suis payée, je suis auto-entrepreneur et ça se passe très bien. Et alors pour les événements, tu tournes pas forcément en présentatrice d'animation sur scène. Il y a aussi, tu vas sur l'Occitanie eSport, la Lyon eSport, la Paris Games Week, le TGS, la TubeCon récemment. En fait, toute l'année, tu as des événements de prévus comme ça et tu y vas pour différentes raisons. On va en parler justement puisque tu es toujours dans Women in Games. Tu es également, si je ne me trompe pas, tu m'arrêtes dès que je me trompe, rédactrice pour Connect eSport. Ça a changé. Ah oui, alors déjà, Women in Games, j'ai passé 2 ans à y travailler en tant que membre actif. Et il y a quelques mois de ça, en discussion avec l'association, j'ai quitté en fait en tant que membre actif pour me recentrer vraiment sur mes projets personnels parce que c'est du temps à consacrer une association. Et voilà, donc du coup Connect eSport, je n'y suis plus depuis à peu près 6 mois et d'accord, j'ai en fait rejoint il n'y a pas longtemps AA eSport. D'accord. Voilà, donc ça se passe très bien aussi. Très bien. Du coup, Rémi, tu es pas du tout à la page. Mais je suis désolé. Ça date d'il y a 5 jours l'annonce, donc je peux comprendre. En plus, sur le Twitter, il y a marqué toujours Connect eSport, quoi. Bon. J'ai changé ma. Tu me dis mon que tu l'as changé aujourd'hui? Non, je l'ai changé il y a 2 jours. Ah. Voilà. Ça pique un peu pour nous. Tu me déçois beaucoup, Rémi. Quand on vous rappelle de passer sur les réseaux tous les jours pour savoir s'il y a des nouveautés, je l'ai pas appliqué pour une fois, c'est horrible. Bon, en tout ça cas, arrive. Merci du coup pour cette rectification. Alors, tu trouves encore le temps d'écrire des articles, même si tu dois partir est-ce que tu as déjà quitté ton travail de base Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur dans l'e-sport, mais à côté, j'ai un CDI dans un cabinet d'expertise comptable. Parce que l'e-sport, malheureusement... Ce qui n'a rien à voir. Ce qui n'a rien à voir, non. Mais il faut savoir que l'e-sport, aujourd'hui, c'est encore très compliqué d'en vivre. C'est se sortir une rémunération, c'est extrêmement compliqué, puisque c'est que des prestations, etc. Donc... Du coup, comment te dire, c'est compliqué d'avoir une multicasquette, mais je m'en sors. Je travaille, les midis à la pause, j'écris des articles, le soir, j'écris des articles. Et puis bah, le week-end, soit je pars en événement, donc souvent je prends le train après le travail et puis je rentre le dimanche soir pour travailler le lundi matin, ouais. Ce qui est compliqué parfois, c'est parce que bah, on travaille pas 2 à 3 heures tout le week-end, quoi. C'est, on travaille à peu près 10 heures par jour en un, ouais, week-end. Enfin, oui, forcément, donc, c'est les événements, c'est, oui, c'est crevant. C'est très fatigant, c'est... avec le bruit en plus, c'est quelque chose, le brouhaha, ça aide pas, mais en même temps, vous avez l'adrénaline, c'est magique. J'adore faire les événements. Et par contre, en événement, j'écris pas d'articles parce que j'ai pas le temps. Tu restes concentré vraiment sur l'événement, c'est sur ça, l'animation. Oui. Oui, il faut vraiment pas. Et puis, on n'a pas le temps en fait de se poser parce qu'il y a toujours des couacs quelque part, souvent. Oui. Mais on se demande où. Oui, on n'en parlera pas. Et en fait, il y a la préparation en amont de l'événement, parce qu'on a des influenceurs. Par exemple, je vais prendre l'exemple du TubeCon qui s'est passé la semaine dernière. Vous avez les influenceurs qui viennent sur scène, mais normalement, il faut faire un débrief environ 20 minutes avant d'aller sur scène pour savoir exactement qu'est-ce que fait cette personne, si on ne s'est pas trompé au niveau du planning, parce qu'on a un fil conducteur comme les feuilles que vous avez. Mmh. Et du coup, il y a tout un travail. C'est aussi savoir qui on va sur scène. Il y a souvent, quand on fait des événements jeux vidéo, e-sport, bon, on ne connaît pas tout le monde, ce qui est normal. Hein, on ne peut vraiment pas connaître tout le monde. Donc, il y a aussi cette rencontre de savoir avec qui on va discuter sur scène, si on ne dit pas d'erreur, puisqu'il faut faire attention à ça. Il faut pas les vexer. Oui. Et puis même, le public, ça peut trash talk direct. Oui, effectivement. Ouais, donc, il y a vraiment tout un travail en amont. Donc, souvent, vous vous levez à 7h pour arriver à la répétition. En plus, souvent, il faut faire des répétitions son, il faut faire des répétitions pour les ouvertures. Et puis, parfois, ça se passe à 23h, la répétition. Jusqu'à minuit, jusqu'à parfois. Jusqu'à minuit, tu vois. Voilà. Mais, et puis, en plus, il sourit là-bas parce qu'il sait de quoi je parle. Et puis, ben, en plus, il n'y a pas que moi sur scène. Il y a aussi des gens qui travaillent sur la scène. Donc, il faut toujours savoir si ça se passe. Parce qu'en événement, s'il y a un problème sur un ordinateur ou à la régie, c'est à l'animatrice ou à l'animateur de combler ces blancs sans que le public peut s'apercevoir en fait de cette problématique. Et c'est là en fait où ça va être un gros travail en amont, puisqu'il faut se renseigner s'il y a des goodies à gagner, oui, s'il y a des choses à faire. Et en plus, tout va varier selon le public que vous avez. Parce que le public, si vous avez un groupe de jeunes, on va dire bon bah viens, on va faire un quiz, il y a des choses à gagner, ils peuvent réussir. Mais si vous avez par exemple des néophytes, ça va être beaucoup plus compliqué de lancer un quiz, et là vous allez plutôt faire un débat avec ces personnes. Mais c'est vraiment un travail à faire. Et c'était compliqué. Les tout premiers événements, heureusement que j'étais en duo avec des personnes, parce que je découvrais ce monde, et heureusement que j'ai fait du théâtre avant, de l'improvisation. Oui, effectivement, ça peut aider. Ça peut aider. J'ai fait à peu près 10 ans de théâtre, donc ça aide beaucoup, parce que quand vous avez du monde, vous pouvez stresser aussi du public, parce que moi je sais que j'ai toujours la peur en fait de, si je vais sur scène et que je vais dire faites du bruit le public ou quoi que ce soit, et qu'en fait vous avez le bruit des criquets ou des mouches, vous vous retrouvez sur la scène. Ça, c'est terrible. C'est un peu la peur en fait, ouais. Si la salle n'est pas chauffée et qu'elle veut pas être chauffée, c'est très compliqué. Ta gueule, on veut voir le jeu. C'est à peu près ça. Ça m'est pas encore arrivé. Mais on espère que ça n'arrivera pas. J'espère que ça m'arrivera pas. Mais c'est impressionnant quand vous avez une foule qui crie, qui avec la bonne humeur. Ça vous donne l'adrénaline, ouais, le sourire et puis la joie de continuer ça. C'est vrai que c'est un métier où vous avez des hauts et des bas. Et du coup, pour vous dire, il y a 2 semaines, j'étais un peu en bas parce que on m'avait refusé une prestation. Et puis en fait, le fait que le public soit là, ça aide beaucoup, parce que la joie, la bonne humeur du public vous donne la force en fait de continuer ce métier. Et c'est là où on puise vraiment toute cette énergie de pouvoir continuer. Et c'est super. D'accord, écoute. Du coup, c'est des artistes. Oui, mais c'est un petit peu ça, hein, des artistes, des professionnels surtout. Pour pouvoir rester stoïque, même s'il y a un problème technique. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà fait face à une situation, un problème technique, on n'arrive pas à... Une situation hardcore, ça m'est arrivé sur le premier événement que j'avais commencé en plus. Ça a été... heureusement, j'avais mon coéquipier de scène qui se nomme Luig, qui est le président de Paris Sport, qui était venu exceptionnellement à l'événement pour m'aider, parce que je l'ai dit, je ne pourrais pas le faire toute seule. Et on a eu en fait un DDoS sur Fortnite, ce qui a fait planter toute la LAN. Ouais. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé avec un retard de plus de 4 heures sur scène. Donc, pendant 4 heures, on a dû combler. Et ça a été très compliqué. C'est plus de minutes là. Mais on a réussi parce que du coup on avait une autre connexion en fait sur scène, donc on avait réussi en fait à faire jouer des jeunes avec des influenceurs. On a même fait des danses en fait où le plus rapide qui devinait avec la musique la danse qu'il fallait faire gagnait des goodies, etc. D'accord. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu Ludwig, je pense que j'aurais pas su vraiment gérer cette situation. Et maintenant, dès qu'un événement, il y a un problème. Bon, c'est arrivé au TubeCon aussi, mais c'était un retard de 15 minutes parce qu'il fallait tout installer, l'échange entre les consoles, PC, ce qui est normal. Et puis ça a été très vite, le TubeCon aussi, ça a enchaîné, mais c'était merveilleux. C'est vrai que... Après, sur les autres événements, j'ai pas eu énormément de problèmes. Moi, après, la Gamer Assembly, ça fait des années qu'ils le font. Donc, pour eux, c'est vraiment... C'est vraiment... Tu en parles quand même avec les étoiles dans les yeux, je t'en Oui. Ah, mais, on sent que t'es passionné, là. On t'a lancé sur le sujet. Bon, ben, t'es parti. Voilà, allez, on raconte. Là, question, on a tous les détails. Ouais, c'est ça. En fait, alors Noémie, et puis hop, on n'a plus besoin de poser de questions. Non, c'est génial. Et puis, pour les journalistes, c'est génial. C'est la première fois que je parle de moi. Habituellement, quand je fais des interviews ou quoi que ce soit, c'est... Tu parles des autres. Je parle des autres, je parle d'une globalité et c'est impressionnant en fait. J'ai l'impression de faire une discussion comme je peux avoir avec un ami ou quoi que ce soit, donc j'aime beaucoup. Elle nous aime bien. Ouais, c'est bon. Tu reviendras ? Évidemment. Bon, super. Maëlys, est-ce que tu as encore une question ? Sur ce qu'elle n'a pas du dit coup encore. J'étais concentrée moi, sur son texte, c'était génial. Attends, merci. Oui, alors j'aimerais savoir si tu as connu quelques embûches dans ton parcours. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, tu parlais tout à l'heure du fait que quand on est il casse fille... tout. Non, quand on est une fille, on rencontre de temps en temps des petits soucis. Donc quelles embûches tu as eues durant ta montée en dehors de la toute dans première dans l'e-sport gaming? Alors la toute première problématique que j'ai eue dans l'e-sport, et je suis arrivée en fait comme une fleur bleue, ne connaissant pas ce milieu, et je me suis pris de ces retours catastrophiques. Alors, j'en ai même pleuré parfois, parce que les premières LAN en tant que journaliste, je me rapprochais énormément des joueurs, des équipes, etc. Et j'aimais bien sortir avec eux le soir parce que c'était la fête, quoi. C'était génial. Et c'est avéré en fait que quand vous discutez avec ces gens, sachant qu'en plus je venais en événement vraiment bien habillée, c'est que j'étais toujours en costume, tailleur, etc., professionnel dans l'âme. Et en fait, j'ai eu des retours sur les réseaux sociaux après en message privé de connaissances qui me disaient: écoute, je suis désolée de venir te voir, mais ça m'étonne de ta part d'entendre ça, mais a priori tu serais une e-girl dans l'e-sport, bon, le truc basique quoi, t'aurais couché avec tel joueur machin, que ça. Et là j'ai fait: écoute, c'est faux, je couche avec personne, de toute manière je fais ce que je veux de mon corps. Mais entendre ces rumeurs, ça touche énormément quand vous n'êtes pas attendu en fait, et vous vous rendez compte que en fait il y a énormément de joueurs qui ne sont pas réellement gentils et jaloux. Je sais, hein, je connais les noms puisque c'est des personnes que j'ai repoussées en soirée, et juste parce que je les ai repoussées, ils se sont dit: non, mais je vais quand même dire que voilà, j'ai couché avec cette personne. Et ça m'a beaucoup affectée sur le long terme. Et aujourd'hui, je sors de moins en moins avec les joueurs et je suis même réticente à aller voir les gens parce que j'ai toujours cette peur, même si tout le monde commence à me connaître. J'en entends encore parfois me dire: écoute, je te parlais pas pendant des années parce que je croyais que t'étais comme ça, et en fait maintenant le fait de te revoir et de parler avec toi, je me rends compte que c'est faux. Et c'est compliqué sur le long terme, mais en même temps à un moment donné il faut passer outre et faire ses preuves, montrer qu'on n'est pas cette personne. Mais maintenant je fais très attention Les Airbnb, par exemple, je ne les prends pas toutes seules. Je les prends toujours avec une amie. Comme ça, c'est clair et net. Si on dit que j'étais à mon Airbnb avec quelqu'un, bah, j'ai un témoin qui peut démontrer en fait que je n'étais pas seule. C'est faux. C'est voilà, du bullshit. C'est ça. Et il y a des choses où je fais de plus en plus attention à cause de ces fameuses rumeurs qui. Bah, aujourd'hui, il y a des femmes qui ont arrêté d'être dans l'e-sport à cause de ça, en fait. Elles ont totalement coupé les ponts, même sur les réseaux sociaux, etc. Parce que t'as des gens qui disaient. Ils étaient malveillants, quoi. Ils disaient des choses totalement fausses. Ah, si quelqu'un. Pardon, Maïlys, vas-y. Je t'en prie. Honneur aux dames. Je voulais dire, et sur une note plus positive, quelque chose que tu as super bien vécu pour encourager quand même les autres femmes qui voudraient faire comme toi, qu'est-ce que tu aurais à dire ? Foncez, il faut vraiment discuter avec les bonnes personnes et c'est ces personnes en fait qui vont vous donner la force de continuer. Moi je sais que j'ai des amies femmes qui des fois bah, moi aussi hein, on a tout ce moment de ras-le-bol à un moment donné où on veut tout lâcher et c'est grâce à ces personnes en fait qu'on a l'envie de continuer et il faut se focaliser sur ces personnes et pas sur les débiles je l'ai dit comme ça hein, je pourrais dire plus vulgairement. Il n'y a pas que des hommes, je pense qu'il y a aussi des femmes. Ah oui, j'ai eu aussi des remarques de femmes qui marquent. Hein. Moi, je me souviens une fois, en plus, j'ai eu des problèmes de santé l'année dernière, dans la salle d'attente de l'IRM, de recevoir un message sur Twitter, de le lire et d'en chialer. Parce qu'elle disait que j'étais une e-girl, que j'avais pas à faire de mon métier. Donc, même entre nous, on est des connasses. Bah oui, la jalousie n'a pas de genre. Et en fait, ouais. C'est de la jalousie et c'est malveillant et il faut vraiment passer outre. J'en ai encore hein, des messages hein, via la Gamer Assembly. J'ai eu des jalousies énormes de la part d'énormément de monde en disant que je n'étais pas vraiment une professionnelle, que je n'avais rien à faire à la Gamer Assembly, que y a des streameuses qui feraient des choses encore mieux que moi sur scène. Alors, en même temps, ce que je leur ai dit, c'est que j'apprends de mes erreurs, mais voilà, toujours meilleur. À un moment donné, faut arrêter. Et mes amis me disent « Laisse tomber, t'as été bien, c'était super, bon, il y a ça qui va pas, et c'est... améliore-toi. » Mais il faut vraiment passer outre et s'entourer des bonnes personnes. Vraiment faire attention à s'entourer des bonnes personnes qui sont parfois déjà dans le milieu et qui sont bienveillantes, surtout bienveillantes. Donc en résumé, entourez-vous des bonnes personnes et allez-y. Il est quelques fois que tu as pu au TubeCon, en tout cas tu as pu croiser quelques fois du coup les équipes du tech et tu as fait une excellente impression puisque le tweet à la fin de la TubeCon c'était ravi d'avoir pu rencontrer Tsubaki. Mais ça a été vraiment un plaisir de les rencontrer aussi parce qu'ils nous ont aidés sur scène à des moments, ce qui a été vraiment sympa et on se connaissait pas du tout et c'était vraiment une agréable rencontre, surtout qu'on est tous de Toulouse. Donc du coup, ce que je disais tout à l'heure, en plus ici c'est super bien, j'ai le travail qui est pas très loin, donc je crois qu'ici sera mon nouveau repère. Nouveau QG, c'est tout, bon. Tout à fait, parce qu'on peut y manger le midi et c'est vrai que c'est agréable de parler avec des gens qui sont du même milieu. Et Renaud, tu peux peut-être parler justement de l'impression qu'elle t'a laissée, Tsubaki. Et ouais, bah, un plaisir partagé hein, de la rencontre, moi je te connaissais pas du tout, du coup, je t'ai découvert à la TubeCon et ouais, c'était une très belle rencontre. Et j'espère qu'on va pouvoir faire des choses ensemble. Bah j'espère aussi. Pour la suite. Futur partenariat, pardon. Voilà. Futur featuring ou future featuring, voilà. C'est au choix. C'est dans le sens des mots. D-Wolf, est-ce que tu as encore une question Bien pour sûr, notre ami? J'en ai plusieurs, j'en ai autant que tu veux, il n'y a pas de souci. Sur Twitch, ça pose des questions, c'est ça? Non, pas du tout, c'est de moi. C'est d'accord, de moi. C'est de toi. J'aimerais que tu nous racontes un moment marquant que tu as vécu peut-être dernièrement ou... Il aime bien que... le passé, Gigi. Oui. Alors, un moment marquant, c'est compliqué parce que j'en ai plusieurs. Je pense que le moment le plus marquant que j'ai, c'est le tout premier événement e-sport que j'ai fait, qui était l'Occitane Champion Series à Toulouse. Et ça a été en fait vraiment marquant de découvrir cette foule. Parce qu'il faut savoir que les Français sont un des meilleurs publics mondiaux. Ils sont très connus. Oui, c'est pour ça qu'il y a énormément d'événements e-sport qui sont de plus en plus en France, parce que le public français, au niveau sonore, c'est un très bon public, puisqu'ils répondent. quand vous voyez au gaming, au MSI l'année dernière, qui faisait des jeux avec le public, et puis ça faisait des Spartiate, quel ça devait être votre... des rugbymen derrière. C'était génial. Et ouais, mon premier événement e-sport, rencontré tout ce milieu, et en plus j'ai rencontré des personnes bienveillantes dès le départ, des personnes de Melty, des personnes de l'Alliance e-sport, toutes ces personnes, et c'est grâce à elles aussi que ça m'a donné l'envie de continuer dans cette voie. Et puis voir une compétition League of Legends et voir les joueurs, c'est pas la même chose que de les voir sur Twitch. C'est vraiment, si vous en avez l'occasion, foncez, si vous avez l'occasion de voir un événement, même en LAN, hein, c'est, une LAN, c'est génial à voir. Bon, après, niveau odeur, c'est pas la même chose. Mais... c'est dit. voilà, il y a terminé. Du positif, mais ça, il y a du contre, négatif ça, aussi. Ça, ça m'a traumatisé, par contre, c'est l'odeur en événement. Et... Voilà, c'est l'Occitane champion de série, ouais, qui m'a vraiment marqué en premier lieu, et en deuxième lieu, bah, mon premier événement en tant qu'animatrice, où là, ça a été génial. Quoi. Inoubliable, d'accord. J'imagine, cet événement. C'était lequel d'ailleurs ? C'était lequel d'événement, première fois en tant qu'animatrice ? Alors, je vais me faire tuer par les organisateurs parce que j'oublie toujours le nom. Je ne sais jamais si c'est Occitanie ou Occitania. Je crois que c'est... il s'appelle... Oxy, je ne sais plus. Attends, je te fais une recherche rapide. Occitanie e-sport. L'Occitania Gaming Convention. D'accord, ouais, c'est cool. Qui se situe à Montaudran. Montauban. C'est ici, Montauban. Quelque part. Je suis fatiguée là. Ouh. Allez, on atteint presque 1h30 d'émission, donc c'est normal que tu sois un petit peu fatigué. Juste dernière question avant de passer au dernier jeu. J'en voulais une. Bon, deux moi, dernières questions. J'en ai aussi. Non, J-Wall, toi c'est bon. Maïlys, pose la dernière question et je poserai la dernière. Est-ce que tu es heureuse du coup d'être devenue journaliste d'e-sport ? Tout à fait. Et aujourd'hui, enfin avant, pendant plusieurs années, du coup, j'avais peur qu'on me casse mon rêve. Mais être en compétition e-sport, style la LEC, c'est la compétition européenne de League of Legends, ou même les Worlds de League of Legends, enfin c'est mon rêve en fait. C'est mon rêve de gosse. Et je suis vraiment heureuse de faire ça. Et pour vous dire, c'est horrible parce que dans l'e-sport, dans le jeu vidéo, quand on fait des événements, on a ce qu'on après on appelle la post-déprime LAN. Et c'est horrible. C'est comme la naissance, mais c'est pas pareil. Je peux vous dire que, en fait, vous retournez au travail après, ou vous faites autre chose après un événement où vous avez énormément d'adrénaline et où vous retrouvez des gens qui ont la même passion que vous, bah en fait, vous vous retrouvez dans votre bureau le lundi ou le mardi, surtout avec votre chiffres, clavier. Ouais. Et là, vous faites... Et merde, j'ai envie d'y retourner. Et vous traînez des pieds toute la journée parce que vous avez envie d'y retourner. Et j'adore. J'adore ce métier, j'adore rencontrer des gens dans ce milieu. Et c'est vraiment... j'espère pouvoir continuer le plus longtemps possible. Bon, en tout c'est cas, un c'est joli mot. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les mois à venir ? En événement alors, peut-être en convention pour ou l'instant autre. Vous pouvez me retrouver au World de League of Legends en tant que visiteuse seulement. D'accord. Voilà. Vous pourrez me retrouver le 16 novembre à l'Occitania Gaming Convention qui tu as bien fait du coup de regarder le nom exact. Oui. Tu seras à la finale de League of Legends à Paris. Oui, tout à fait. D'accord. Et bien écoute, on va peut-être se voir parce que j'y serai aussi. Ben, j'espère te retrouver là-bas. Voilà. Sachant que les places, c'est lundi. Ah, c'est déjà... J'ai déjà préparé le coup, j'aurai ma place. Bon. Pour l'instant, seulement l'Occitania Gaming Convention, parce que c'est extrêmement compliqué de trouver des prestations. D'accord. Parce que c'est un peu l'Ouroboros. C'est que vous avez des événements, vous allez les contacter et leur dire, voilà, je suis animatrice. Ils vont vous dire, ah oui, mais vous n'avez pas réellement d'expérience. Ben, revenez quand vous avez plus d'expérience. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup d'événements font ça. Je fais, mais oui, mais si vous ne me donnez pas la chance de faire mon expérience, jamais je pourrais faire quelque chose. C'est souvent la réponse, ouais, mais on cherche quelqu'un de 18 ans avec déjà 20 ans d'expérience. Tu as déjà regardé du côté de O-Gaming, puisqu'il y a Laure Vallée par exemple qui a commencé là et maintenant elle est sur la scène internationale. Oui, oui. Alors après, il faut savoir que O-Gaming ne recrute pas tout le temps. Voilà, donc ils ont aussi leur staff. J'espère un jour pouvoir y travailler. Mais pour l'instant, c'est pas ça, pour l'instant. Et voilà, bon. Ça, c'est autre chose. Pour conclure, où est-ce qu'on peut te contacter ? Alors, on peut me contacter sur les réseaux sociaux, sachant que sur Twitter, je fais énormément d'actualités. C'est Tsubaki-8-32. Et dessus, vous avez vraiment tous les liens de ma chaîne Twitch, de ma chaîne Instagram et mon mail professionnel si on veut me contacter. Voilà. Parfait. Mais je réponds très vite aussi sur Twitter parce que il faut savoir que dans l'e-sport, la communication via Twitter, c'est essentiel, c'est important. Oui. Et ça envoie des tweets tous les jours, des MP qu'on voit pas forcément d'ailleurs. Pensez à regarder les demandes de messages. C'est important. Ça, c'est une anecdote véridique. En tout cas, merci Noémie d'être venue ce soir. Bah, avec merci nous. À vous aussi de m'avoir invité. C'était un plaisir de venir. C'est vrai que depuis 3 ans, c'est long. À chaque fois, on essaie d'inviter. Non, je suis pas là. Mince. Telle date. Et oui, c'est vrai que tous les week-ends, j'ai toujours des choses à faire. Là, c'était le premier week-end où j'étais un peu posée chez moi parce que j'ai eu le TubeCon juste avant. J'ai des choses aussi de la vie privée. Ouais, mais je sais par exemple, je sais par exemple que Pâques, mes parents font la tête tous les ans, mais je suis toujours à la Gamer Assembly depuis 4 ans. Et oui. Et du c'est coup, il y a même des choses. C'est toujours à Pâques. C'est complètement fou ça. Hein. C'est comme Noël. Ça. À chaque fois, ça tombe la même date. C'est complètement fou. Donc voilà, ça fait du bien de venir et ça faisait longtemps que je voulais revenir, mais c'était compliqué, malheureusement. Et cette fois, tu es revenu en direct et non pas en interview enregistrée. Tout à fait. Dans la rue avec un camion qui passe. Je sais pas si tu t'en souviens, mais voilà. On s'entendait pas très bien. Oui. C'était en plus, je me souviens parce que j'étais arrivée en retard en plus. C'était très compliqué. C'était un bon moment. C'était sympathique. En tout cas, merci beaucoup, Noémie. Donc, Tsubaki32 sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Avec le tiré du 8, underscore, on n'oublie pas. Et puis, bien sûr, on partagera donc tous tes réseaux. Et tu continues un petit peu les streams sur Oui, Twitch. Quand je peux. Alors, j'aimerais, vu que là, j'ai déménagé, je suis enfin dans mon nouvel appart, j'essaye de prendre mes matinales du dimanche à partir de 8h jusqu'à midi. Mais c'est compliqué parce qu'il y a toujours des imprévus. Mais là, j'ai repris. Puis j'ai dû m'arrêter pour des raisons personnelles. Mais quand je peux, je stream. Oui, parce que là, c'est vraiment redevenu une passion. Pas comme avant où à un moment donné, j'avais vraiment arrêté. Parce que ça devenait une obligation un peu. Et, plus que... Quand vous avez 100, 200 viewers et que vous faites trash talk par des jeunes de 10, 12 ans qui disent oui, monte tes boobs. Ouais, est-ce que tes parents savent que tu te prostitues sur Twitch ? Faut pas porter attention à cela. Oui, mais le problème c'est que quand à un moment donné vous dites bon, je dois streamer, j'appelle des amis qui sont modérateurs et que vous pouvez vraiment pas streamer parce que il y a toujours des petits merdeux, je vais le dire, qui sont toujours là. Ben, à un moment donné, vous avez vraiment plus l'envie de streamer parce que vous dites « Ah, mais si je fais ce jeu, je vais avoir telle personne, machin, j'ai pas envie. Moi, j'ai juste envie de parler avec ma communauté et ça. » Et du coup, je sentais l'effet de forcing où j'avais vraiment plus envie de me lever ni de jouer. Je n'avais plus envie de jouer, pour vous dire. Donc maintenant, je fais quand je peux. Je sais que les viewers aiment bien voir des personnes souvent connectées. Mais moi, ça reste une passion et j'ai envie que ça reste une passion. Donc je stream quand je veux et quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Très bien. Justement, et si on leur motivait avec un vrai jeu ? Un truc où tu gagnes quelque chose pour de vrai. Ah, ça dépend. Quel jeu ? Eh bien, c'est le jeu qui arrive là tout de suite, puisqu'il est temps de faire regagner aux gens qui sont au tech, justement, une heure de jeu. Et sans transition, sans jingle, on appelle tous ceux qui veulent gagner une heure de jeu pour le Toulouse eSport Concept à venir avec nous autour de la table. Pour ceux qui ont déjà tenté leur chance, vous pouvez revenir tenter votre chance. On sait jamais, ça peut gagner. Et il faut juste un petit peu de logique pour ce jeu. Juste un petit... Non, pas les gagnants. Non, une fois, pas deux, quand même. Allez, pour tous ceux qui veulent... tenter à nouveau leur chance ou tenter leur chance. Bon. Est-ce que moi je peux avoir un joueur avec moi ? Moi j'ai quelqu'un. Oui, tu as de nouveau Stéphane. Moi j'ai personne. J'ai quelqu'un ou il pas ? Il est exceptionnel. Exceptionnel. J'ai quelqu'un ? On va voir. J'ai quelqu'un. Alors, et moi, mon joueur de tout à l'heure, tu viens Nico avec moi ? Nico est passé. Pourquoi avec Renaud. Maïlis. C'est bon. J'ai un joueur. Maïlis récupère Christophe, son joueur du vrai ou faux. Ne soyez pas timide. Venez, venez, venez. Et je vais pouvoir vous expliquer. Alors, j'ai juste un prénom que je n'ai pas réussi à retenir. Est-ce que tu peux nous le rappeler, s'il te plaît, toi qui es avec Renaud ? Valentin. Valentin. Donc, nous avons Stéphane, Nicolas, Valentin et Christophe autour de la table. Ah, t'as retenu son nom. Oui, c'est bon. C'est la troisième fois qu'il y a, c'est pour ça. Donc, je vous explique les règles de ce dernier jeu. J'ai coupé des chansons qu'on peut trouver sur YouTube, faites la plupart du temps par nos chers YouTubeurs français. Ces musiques, je les ai coupées un moment et il faudra trouver la suite parmi quatre propositions que je vous donnerai. Un jeu très simple, juste un petit peu de logique, ça devrait aller. Allez, attention, on y va. J'espère que vous entendez bien dans les enceintes, vous allez avoir besoin de vos deux oreilles, puisque la première chanson, c'est tout de suite. On l'a bien caché, on m'a pas prévenu non plus que ma Bulma a fait partie des conquêtes de Yamcha. Lequel d'entre nous a le plus souffert ? Dites-le nous dans les commentaires. Lequel d'entre nous a le plus souffert ? Dites-le nous dans les commentaires. Noémie qui est décidément morte de rire. Qu'est-ce que tu as entendu qui t'a fait rire comme ça ? Non, mais c'est parce que c'est des musiques que j'écoute pas du tout. Donc, d'accord. Je crois qu'on est un peu tous dans ce cas-là pour le coup. Qu'est-ce que tu dis, Nicolas ? Partage-le avec non, nous. Tu parlais de musique, du coup je suis un peu paumé, mais bon, c'est pas grave. Oui, et dans notre équipe, on n'a rien entendu. On dirait une parodie de Niska. Allez, on va réécouter du coup. Super Saiyan 3, on me l'a bien caché. On m'a pas prévenu non plus que ma Bulma a fait partie des conquêtes de Yamcha. Lequel d'entre nous a le plus souffert ? Dictez-le nous dans les commentaires. La dernière phrase est lequel d'entre nous a le plus souffert ? Dictez-le nous dans les commentaires. Au tout début, j'ai entendu il y a un étron qui est caché. Non, c'était pas ça du tout. Alors, lequel d'entre nous a plus souffert ? Dictez-le nous dans les commentaires. Pour voter, pour celle, il suffit de se taire, puisque je vous rappelle que la musique, c'est Dragon Ball Z, du rire jeune. Voilà, si vous ne la connaissez pas. C'est Vegeta, Freezer et Cell, de Dragon Ball, qui sont en train de prouver que c'est eux les plus grosses victimes dans l'univers Dragon Ball. Voilà, vous avez le contexte. Donc, réponse 1, pour voter pour celle, il suffit de se taire. Réponse 2, si vous ne répondez pas, on fera sauter la terre. Réponse 3, élisez un gagnant pour éviter la guerre. Ou réponse 4, mais ne votez pas pour Freezer, ni pour ce foutu bouffon vert. 1, 2, 3, tu peux répéter ? Réponse 1, pour voter pour celle, il suffit de se taire. Réponse 2, si vous ne répondez pas, on fera sauter la terre. Réponse 3, élisez un gagnant pour éviter la guerre. Ou bien réponse 4, mais ne votez pas pour Freezer, ni pour ce foutu bouffon vert. Noémie. Alors, nous, on dirait la 4. La 4 ? Oui. Très bien. On tente la 2. La 2 du côté de Maïlys. Ouais, on est parti sur la 2 aussi. La 2 également pour Renaud. Et pour G-Wolf ? Ah, il va prendre la 1. Ça réfléchit. On a tout le temps, on a pas toute la soirée, vous savez. Oui, d'accord, hein. Oui. Excusez-moi, on réfléchit 2 minutes. Ouais. Calmez-vous. Quand tu veux. Vraiment, c'est ne te presse pas. On a tout notre temps. On devrait peut-être avoir un chrono parce que là, ils mettent du temps. Bon, d'accord. Oui. La 4, très bien. Eh bien, moi, je vous propose d'écouter la réponse. On m'a pas prévenu non plus que ma Bulma a fait partie des conquêtes de Yamcha. Lequel d'entre nous a le plus souffert ? Dites-le nous dans les commentaires. Mais ne votez pas pour Freezer, ni pour ces foutus bouffons verts. Du coup, c'est moi qui ai réussi. On a réussi. Ouais, les top là. Effectivement, c'était la réponse 4. Mais ne votez pas pour Freezer, ni pour ce foutu bouffon vert. On continue avec une nouvelle musique. C'est celle de la chaîne YouTube Le Monde à l'envers. Et le titre, c'est Être des stars. Une vie normale, c'est pour vous les gens normaux. En vrai, les amis, on a une motivation, on donnera tout ce qu'on a. On donnera tout ce qu'on a pour que nos fans se comptent en millions. On donnera tout ce qu'on a et même si nos vidéos tournent en rond, on donnera tout ce qu'on a quitte à prendre nos fans pour des cons. Ou on donnera tout ce qu'on a, la télé nous donne raison. 1, 2, 3 ou 4. Maïlys, 1. Motivé. Oui, Noémie. On dirait la 3. La 3 pour Noémie. Pour Renaud. Ça va partir sur la 1. La 1, très bien. Et pour G-Wolf ? Dont la réponse arrivera sans doute demain matin. Une nouvelle fois. Ils sont encore partis dans une dissertation. Oui, mais en plus, oui. Mais pardon, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît ? Réponse 1. Vous avez 5 secondes. On donnera tout ce qu'on a pour que nos fans se comptent en millions. On donnera tout ce qu'on a, et même si nos vidéos tournent en rond, on donnera tout ce qu'on a, quitte à prendre nos fans pour des cons. Ou on donnera tout ce qu'on a, la télé nous donne raison. 1, 2, 3 ou 4, T-Wolf. Allez, 3. 3. Eh bien, on va écouter la réponse. Les amis, on a une immense motivation. passion. On donne à tout ce qu'on a pour que nos fans se comptent en millions. Peu importe le chemin. Et c'est effectivement la première réponse pour que nos fans se comptent en millions. Et on passe tout de suite à une nouvelle musique. Alors celle-là, j'étais un petit peu obligé de la mettre. Elle a fait un peu un bad buzz sur YouTube cet été. Ça nous vient d'un YouTuber toulousain, bien connu à Toulouse, c'est Thibaut InShape, qui a décidé de reprendre il va sortir Pokémon. Le titre de Pokémon. Alors, comme je ne pouvais pas laisser passer l'occasion, on va s'écouter un extrait et je vous donne les propositions juste après. Rien ni personne dans ma salle de sport ne pourra me stopper. Pour accomplir mon effort. Alors, pour accomplir mon effort, ça va, j'ai été gentil, l'extrait est pas très long. Hein. Pour accomplir mon effort, je les ai tous balayés. Pour accomplir mon effort, j'arriverai à tous les repousser. Pour accomplir mon effort, je suis congestionné. Ou pour accomplir mon effort, je suis constipé. 1, 2, 3 ou 4. Tu peux redire la première ? Je les ai tous balayés. Car pour accomplir mon effort, je les ai tous balayés. Car pour accomplir mon effort, j'arriverai à tous les repousser. Car pour accomplir mon effort, je suis congestionné. Ou est-ce que je suis constipé ? On dit la 4. La 4, je suis constipé. Rien à foutre si c'est vrai ou non, c'est génial. Très bien, la 4 pour Maëlys. Putain, j'ai un trou. En plus, je la connais, je l'ai écoutée là, il n'y a pas longtemps. Oh là là. Je sais pas. Ah mais... Bah en fait, je croyais que c'était le passage où il parle des petites. Oui. Et du coup, je me suis concentrée dessus. Alors du coup, pendant que tout le monde réfléchit, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir les commentaires sous cette vidéo qui sont d'une qualité extraordinaire niveau blague. Je vous le conseille vraiment. Est-ce que tu as un exemple ? Non, j'ai pas d'exemple, mais en gros, c'est j'ai installé la fibre, j'ai mis la musique et je suis repassé en ADSL. C'est quelque chose comme ça. C'est... Bah écoute, je vais écouter mon collègue, on va dire la 3. La Allez. 3. Mmh. Congestionné. Donc, je suis congestionné. Eh bien, nous, on va dire la 2. La 2, j'arriverai à tous les repousser. Exactement. Et du côté et de Renaud. Eh bien, vous avez dit quoi, vous 3 ou 4 ? Non, on 4. A dit à 4. Ils ont dit 4. On va dire la 1, du coup, comme ça, Allez. Chaque. J'ai tous balayé. 1, 2, 3 ou 4. Rien ni personne dans ma salle de sport ne pourra me stopper. Car pour accomplir mon effort, je suis congestionné. Et c'était la réponse 3. Bravo, félicitations. Bravo Noémie et bravo Nicolas. Ah non, oui. Attention, dernière chance. Oui Nicolas, qu'est-ce qu'il y a ? T'es à l'antenne, il y a du public, il y a des millions de gens qui nous écoutent. Ouais, des millions, oui, des millions, des milliards, des milliards, ouais. Des milliards, ouais. Comme les 3000 personnes qui tu sont nous là. Fais vraiment écouter de la merde. Celle-là, je suis désolé, j'étais un peu obligé. Voilà, tu t'es encore perdu sur Internet. Oui, oui. Il faut t'arrêter de te perdre sur après, Internet. Ça a fait le buzz quand même sur les réseaux sociaux. Hein, depuis, oui, c'est quoi ? Il l'a sorti il y a 2 semaines, je crois. Non, fin août, je crois, il l'a sorti. Non, si, pas... fin août, je crois. Si t'as. Bon, en tout cas, sur les réseaux sociaux, tout le monde critiquait. Enfin, critiquait dans le bon comme dans le mauvais sens. Il y en a qui pleuraient comme moi en voyant le clip parce qu'il est avec un tortank, en fait, dans le clip. Oui, oui. Et dans sa salle, évidemment. Donc, c'est génial à voir quand même, une fois. C'est, oui, alors, une fois, on l'écoute en entier une fois, oh et non. Après... Non, on va pas l'écouter là, rassurez-vous. On n'a pas le temps, en fait, là. Non, on va pas l'écouter là, sinon on va faire des AVC à tout le monde. C'est pas la peine. Je me souviens d'avoir entendu au moment où je passais dans le salon et j'ai dit « Oh merde !» Et moi, j'étais en train de rire. Voilà, c'est en gros... je vous donne un exemple de commentaire, voilà, vous m'en demandiez. Quand ma mère est arrivée, je suis passé sur Pornhub, c'était plus facile à expliquer. Voilà, c'est ce genre de commentaire qui est vraiment magnifique. Et voilà, j'ai rien à dire, c'est vraiment une pépite. Cette vidéo est une pépite et elle a été publiée. On n'a plus les dates, dis donc, sur YouTube, c'est plus noté. Est-ce qu'il est toujours YouTuber ? Oui, il est toujours YouTuber. Il est toujours, et il fait toujours énormément 6 millions de vidéos d'abonnés. Aussi avec sa copine. Et il fait des vidéos où il est de plus en plus critiqué, ce qui est étonnant, parce qu'il il faisait des bonnes vidéos, mais des fois, il part vraiment dans l'extrême. Et bon, c'est vrai que moi, avant, j'aimais bien regarder, et maintenant, je... Après, voilà, les goûts et les couleurs, ouais. Ça ne se discute pas. Mais il est le bienvenu et dans Culte Technique. Bien sûr, bien sûr. Mais cette musique Pokémon, je vous avoue que c'est une pépite. Allez, ensuite, dernière musique, dernière chance pour faire remporter à votre coéquipier une heure de jeu au tech. Quelle est la suite de cette musique ? C'est Juliette Tressanini qui anime notamment la chaîne Parlons Peu Mais Parlons. qui s'est renommée avec Mod, et elle a fait une musique sur sa chaîne YouTube perso, s'appelle Femme de YouTubeur. Mon mec est YouTubeur, il a 100 000 abonnés, et pour célébrer ça, il m'offre un très joli bouquet. Moi je suis ravie, je pose et je souris, quand il tend sa main pour un selfie. Je lui aurais dit oui, toi et moi pour la vie. Je lui aurais dit oui, toi et moi pour la vie, mais il ne s'est jamais accroupi. Mais ce n'était qu'un placement de produit, mais c'était seulement pour une nuit, ou mais il préférait regarder les lives de Tsubaki. La 4, 1, la 4, 2, 3, la 4, 4. La 2. La 2. Je m'y attendais pas du tout. Mais ce n'était qu'un placement de produit. Ouais. Très bien. Ouais, je dirais la 2 aussi. La 2 également ? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça dit des choses sur le Twitch ? Ouais, nous aussi on dirait la 2. La 2 également ? Mais en fait, nous aussi on pense la 2. Mais il nous copie. Mais t'as pas le droit. Ah bon? Bah non. La 1. Non, t'as déjà dit la 4. C'est pas moi qui décide. Non mais la 4, c'était pour, non, pour dit Renault, la 4. Renault la 2 également, ouais. C'est ça? G-Wolf? Mais il préfère regarder live de Tsubaki. Ouais, ouais. Bon allez, d'accord, la 4, la 4. De toute façon, vous n'avez pas gagné. Hein, c'est sachez, vrai, la 4. Sachez-le, vous êtes perdu. Déjà hors course. Non, mais moi aussi, j'aurais voté la 4. Donc, ouais, très bien. Eh ben, on écoute la réponse. Mon mec est youtubeur, il a 100 000 abonnés. Et pour célébrer ça, il m'offre un très joli bouquet. Moi, je suis ravie, je pose et je souris. Quand il tend sa main pour un selfie, je lui aurais dit oui, toi et moi pour la vie. Mais c'était qu'un placement de produit. Et voilà, on apprécie la qualité. Mais en plus, c'est réaliste hein, parce qu'il y a énormément de youtubeurs aujourd'hui qui font des selfies pour des placements de produits. Hein. Oui, mais on pense aussi aux copains des instagrammeuses. Oui, tout à fait. Qui eux aussi subissent. Oui, voilà. Parce que souvent, c'est eux qui prennent les photos, oui, des instagrammeuses. Exactement, voilà, il ne faut pas l'oublier. Oh, les pauvres, ils sont bien contents quand même. Hein. Ils sont parfois ça maltraités. Ça dépend le produit. Maquillage. Est-ce que tu serais content d'avoir du maquillage? Ou des couches scientifiques. Tu sais, les placements produits, ça apporte beaucoup d'argent. Hein. Ça, c'est mamie instagrammeuse. C'est ça peut être très marrant. Et bien voilà, en tout cas, on annonce donc qui le gagnant gagné de c'est ce nous. Jeu. Effectivement, c'est l'équipe de Noémie qui remporte avec Nicolas qui remporte. Une heure de jeu pour le tech. Félicitations Nicolas et Noémie. Eh bien, il est 22h maintenant, ça fait 2 heures d'émission tout pile. Au lieu d'une heure. Exactement, on a doublé le temps prévu, ça c'est magnifique quand même. Et pourtant on a réduit le programme. Et pourtant on a réduit le programme, c'était un programme allégé pour prendre le temps, etc. Oh, mais ça a duré 2 ans. Eh oui, c'est déjà le moment, c'est le moment triste. De se quitter. Merci de nous avoir suivis pour cette émission reprise de la saison 4 de Cult & Geek. On vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour le podcast de cette émission et dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Merci au tech de nous avoir accueillis, Renaud et Sébastien. Eh ben avec plaisir, merci même d'être si venu. Sébastien est en train de bosser. Et oui. Donc merci Renaud, ça merci Seb. Ça nous fait plaisir de vous avoir accueilli, c'était très bien. Et puis on reviendra, mais on ne sait pas quand pour l'instant, avec OB Team. Voilà, ça s'est lancé, au moins on est annoncé pour le tech et OB Team. Et puis bien merci Tsubaki d'être revenu bah, dans l'émission. Merci à vous surtout, et très bonne rencontre encore. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Tu reviens quand tu veux. Tu reviens quand tu veux. Je vous prends au mot. Bah bien sûr, tu as un week-end de libre, tu viens, il y a pas de souci. On demain, t'accueille dans l'émission. Toi. C'est ça. À la prochaine émission, c'est coucou. Bon, mais je suis là, hein, on enregistre. En tout cas, merci à vous tous. Donc je rappelle qu'on peut retrouver Tsubaki sur Facebook, sur A eSport, c'est ça? C'est ça. Blog. Oui. En fait, c'est 3A. Hein. C'est ouais. A. C'est e-sport. Comme les piles. Ouais, les petites piles, les ah, oui, voilà. sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube. On a quelqu'un qui a été très long à la blague là. Et sur Instagram, elles bien sont sûr. Pas toujours bonnes. Hein. Le tech également à retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et puis bien sûr, nous on se retrouve la semaine prochaine sur tous les réseaux sociaux également. Et on remercie nos web radio partenaires, que ce soit Playgeek, La Vigie Radio, Radio No Life et notre Twitch qui nous diffusait ce soir. Et on merci aux invités. Oui, merci à tous ceux qui ont participé. Aux merci aux invités. Oui. Et merci aux gens qui nous ont écoutés surtout. Oui, et ils ont été au nombre incroyable de 2. Merci à vous. Non, alors, je me permets de dire quelque chose. Le Twitch avait quelques soucis, donc ils sont passés sur Playgeek. Oui, voilà, c'est ça. Et Playgeek a réussi à trouver 2 nouveaux auditeurs. Exactement. Grâce à des problèmes de connexion. Tu vois, allez, tout le monde s'arrange, tout le monde se retrouve, tout le monde s'en sort. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bisous. Salut. Ciao. Ciao.